Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. C'est déjà le sixième épisode de cette année 2023. Nous faisons un épisode spécial. On va faire une revue d'actualité et puis quelque chose qu'on vous a promis, c'est les rapports entre la doctrine fasciste et l'Église catholique. Je fais quelques petits rappels, vous êtes habitués. Je rappelle donc que nous sommes présents sur Gab et sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle. Nous sommes aussi présents sur d'autres réseaux, comme YouTube. On vous a fait savoir que ça marchait aussi très bien sur d'autres réseaux tels que Telegram. Merci encore pour votre mobilisation. J'en profite d'ailleurs pour dire un grand merci à toutes les personnes qui nous partagent à droite et à gauche, qui prennent des extraits, qui remettent des extraits un peu comme ils veulent. D'ailleurs, tout est libre. Et ça me fait une pub d'enfer, donc merci à vous. Et je vais, sans plus tarder, passer à la présentation des membres. Je commence par Dédé. Dédé, comment ça va? Ave à tous, loué sur le bon Dieu. Bah écoute, mon cher Bobby Bob, ça va très bien. Hâte d'évoquer les relations entre l'Église et le fascisme, ou l'Église et le national-socialisme. Rex aussi est avec nous. Rex, comment ça va? Ave Bobby, ave César, ave Christus et ave à tous. Ça va très bien. Deux charmants intégristes pour m'accompagner et peut-être un troisième, Longinus, qui nous rejoindra probablement en cours de route. On vous le fera savoir. Alors, bah écoutez, sans plus attendre, sans transition aucune, on va commencer par le premier sujet. Le premier sujet nous vient, c'est assez curieux, mais nous vient pour une fois de BFM TV, qui a fait un petit reportage sur le pèlerinage de Chartres, qui a lieu tous les ans. Et il faut quand même le signaler, pour une fois, BFM TV n'a pas insulté les tradis que nous sommes de tous les noms que vous connaissez. Et donc, on va écouter d'ailleurs ce petit reportage, c'est pas long, ça dure 3 minutes, et on en reparle. À tout de suite. On va maintenant évoquer une question qui ne dépend pas de la science, l'existence de Dieu. En France, le nombre de catholiques pratiquants régresse d'année en année, mais les mouvements les plus traditionnalistes, eux, semblent au contraire se renforcer. La preuve, ce week-end, avec ce record d'affluence pour le pèlerinage de Chartres, le nombre de participants a doublé en 10 ans. Reportage Sophie de Vessière, Jean-Yves May et Stéphane Yorgolescu. Une colonne de pèlerins à perte de vue qui grossit d'année en année. Ils étaient 3000 dans les années 80, 16000 aujourd'hui. Le pèlerinage de Chartres attire les foules. Le parcours n'est pourtant pas une sinécure. Entre Paris et Chartres, 97 km. Ce qui est dur, c'est le nombre de kilomètres, les ampoules, la fatigue, etc. Mais ce qui est boostant, c'est la prière, la joie. C'est pas forcément pour le plaisir que je fais ça, mais vraiment c'est un dépassement de soi qui est hyper important et qui permet, enfin moi, qui me permet vraiment de me reconnecter avec Dieu. Un chemin balisé au Moyen-Âge, ressuscité en 1983 par une association traditionnaliste. Depuis 7 ans, le nombre d'inscriptions augmente de 10% par an. Cette année, les demandes ont explosé, plus de 50%. L'association a dû refuser du monde. Ce qui s'est passé cette année, on n'est pas du tout en mesure de l'analyser. On a été nous-mêmes surpris, on avait prévu une croissance normale. Tout au long du chemin, des temps de prière, des offices en latin. Selon un rite ancien, établi avant la réforme du Concile Vatican II. Les catholiques pratiquants ne sont plus que 6% en France, beaucoup trouvent refuge dans la tradition. La famille traditionnelle, elle n'essaie pas d'adapter son langage en fonction de ce qui fait plaisir et de ce qu'attend la société. Elle reste un pilier, elle reste un phare que l'on suit et je crois qu'aujourd'hui, les personnes ont besoin de guides. La génération 68 est passée et là aujourd'hui, la jeunesse, elle est fière de porter sa croix, sa foi. Les jeunes sont très nombreux. François, 19 ans, a grandi dans une famille non pratiquante. À 16 ans, en recherche de repères, il a choisi la tradition. J'ai commencé à aller à la messe en rite ordinaire. Et un jour, j'ai découvert la messe traditionnelle et là, ça m'a vraiment bouleversé. J'ai découvert une verticalité, une manière d'adorer, de prier, un silence, une profondeur que j'avais même pas soupçonné avant. Fort de son succès, le pèlerinage a dû adapter sa logistique. Tandis que les pèlerins reprennent la route, les sacs sont acheminés vers le bivouac. Ce champ, loué à un agriculteur pour la nuit. 43 000 sacs y seront déposés et récupérés le soir même. Heureusement, les choses sont assez bien faites. On a la chance d'avoir des gens qui maintenant sont très bien rodés. Ça fait 40 ans qu'ils font ça et on voit le fruit de leur travail. Regardez, en 10 minutes, on a trouvé notre matériel. 1000 bénévoles ont travaillé toute l'année à penser dans les moindres détails cette ville montée en une journée. Il y a quelques années, quand on avait un ouragan, finalement, on disait il pleut. Et c'est pas grave, on est mouillé. Aujourd'hui, évidemment, on est obligé de faire bien attention à beaucoup de choses, et notamment à la présence d'enfants et de familles qui sont beaucoup plus nombreuses qu'auparavant. Logement, toilettes, point d'eau, rien ne manque. Pas même la soupe offerte le soir aux marcheurs affamés. On arrête 2 minutes, on va dire le béné d'ici. Deux nuits, 3 jours de marche et de prière, les pèlerins seront demain à Chartres. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce reportage qu'on vient d'écouter. Si je devais en retenir une seule, peut-être d'ailleurs qu'on pourra commencer là-dessus, c'est finalement ce qu'on disait déjà dans l'émission précédente, même celle aussi d'avant. Chez les modernistes, quelque part, c'est un peu mort. Il y a une différence d'âge qui se creuse de plus en plus. Les modernistes ont petit à petit perdu la foi, ne se rendent plus en masse à ce genre d'événement. La jeunesse n'est plus présente. Alors que chez les tradis, nous, on gagne du terrain. On est assez nombreux, de plus en plus nombreux chaque année. J'ai envie de dire, l'avenir est à nous, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pu regarder ce petit reportage de BFM, effectivement, qui n'est pas à charge pour une fois. Assez objectif, ils interrogent même des pèlerins qui donnent quelques raisons de pourquoi ils pèlerinent. Plutôt pas mal d'ailleurs, hein, c'est pas pour un dépassement physique ou pour de la cohésion avant tout. Les réponses, elles sont plutôt bonnes. C'est avant tout, c'est pour le bon Dieu, c'est pour se rapprocher du bon Dieu, c'est pour prier, etc. Donc c'est plutôt positif comme point de vue. Alors effectivement, il me semble que le pèlerinage, il y a deux pèlerinages en réalité pendant cette période de la Pentecôte, sur le samedi, dimanche et lundi de Pentecôte. C'est le pèlerinage de Paris à Chartres, qui est le pèlerinage historique. Donc là, ils étaient environ 16 000. C'est un peu ce que j'appelle les tradis conciliaires, quoi. En gros, ils acceptent le conciliabule Vatican II. C'est juste qu'ils ont gardé un peu la forme pompon-fleurette traditionnelle. Mais sinon, ils acceptent le fond. Mais voilà, ils ont juste gardé la forme traditionnelle. Donc eux, ils étaient 16 000. Ce qui est énorme, effectivement. C'est bon signe, j'ai envie de dire. Toujours pareil, comme on a pu un peu dire dans les précédentes émissions, le bon Dieu se sert de tout et ce genre d'événement sert très certainement de marche-pied pour une église plus forte. Donc tant mieux, on ne peut que s'en réjouir. Et sinon, dans l'autre sens, c'est de Chartres à Paris. Donc ça, c'est plutôt le pèlerinage organisé par la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Ils étaient aussi nombreux cette année, entre 3 et 4 000, il me semble, sachant que l'année dernière, le pèlerinage n'avait pas pu se faire parce qu'il y avait des pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur le pèlerinage, donc qui avaient été annulées, etc. Donc je pense qu'il y a aussi un regain d'intérêt pour le pèlerinage aussi avec ça, parce que pendant le Covid, les mesures autistes-covidistes, tous les rassemblements avaient été interdits. L'année dernière, du coup, à cause des pluies diluviennes, les télés avaient été annulées ou interrompues pendant le pèlerinage. Donc là, cette année, je pense que tout le monde a un petit peu aussi sauté sur l'occasion pour pouvoir périner en honneur du bon Dieu. Donc à voir l'année prochaine si ces chiffres en hausse se maintiennent, donc ça serait vraiment excellent. Et je peux que vous encourager, bien sûr, à participer à ces pèlerinages. Vous l'avez dit tous les deux, toutes les informations qui tombent là-dedans sont positives en vrai, quoi. Voilà, perte de puissance pour les modernos, montée en puissance des traditionalistes. Comme l'a dit Dédé, les propos sont pas mal parce que voilà, on sent que c'est bien orienté foi le principal. T'as des petits propos ici ou là, il y a même Je pense que c'était un jeune père qui disait, voilà, mes 68 est passé, les jeunes générations ont besoin de foi, puisque voilà, il disait que chez les trentenaires, ça montait pas mal en termes de participants, en sachant que donc en cumulant les deux processions, les deux pèlerinages dont tu as parlé, Dédé, bah, ça faisait 16 000 personnes quand même au total. Et voilà, ouais, que du positif. Voilà, on sort de mai 68 et du délire judéo-boomer. C'est très bien parce que ça tombe en plus. Voilà, c'est un pèlerinage de Pentecôte, donc c'est la descente du Saint-Esprit en nos âmes, chose qui était arrivée aux apôtres qui ont enfin eu les lumières du Christ et qui ont pu faire de l'apostolat dans le monde par la suite. Donc j'ai envie de dire, bah, à notre tour, la foi nous rend la vue, voilà, la foi, l'espérance et la charité. Et sinon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire, hein, si ce n'est que c'est une très bonne nouvelle et que ça fait plaisir pour une fois, quoi. Si, on peut peut-être rajouter un truc, c'est que, allez voir la vidéo, nos chers amis auditeurs, vous n'y verrez que du white, que du blancos, que des bons français. Et donc, en plus de pèleriner en l'honneur du bon Dieu, eh ben, vous serez entouré de vos semblables, de vos frères, de notre peuple homogène. Donc, c'est vraiment un petit bout de France, catholique, français, blanc, qui persiste. Ouais, tu fais bien de le rajouter, c'est vraiment très, très, très blanc. Parfois, à la campagne, on se dit, bon, bah, du coup, je suis à la campagne, je vais enfin avoir que des Européens ethniques. C'est de moins en moins vrai en France, ça me rend triste, mais bon, c'est le cas. Là, je dois avouer, vous pouvez les chercher, les métèques, hein, vous pouvez essayer de les compter, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est très, très blanc, très, très jeune, très, très fervent, donc ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, il y avait une petite interview d'un jeune homme qui avait à peu près la vingtaine, environ. Qui lui donc était passé par la messe moderniste au départ quand il s'était rapproché du Christ, et donc il disait, bah, il a, voilà, vous l'avez entendu comme lui il y a quelques minutes, il a abandonné ça, il s'est dirigé vers la messe traditionnelle parce que il y a pas photo en fait. Hein. Déjà en fait, ce qui est embêtant dans la messe moderne, au-delà des querelles doctrinales sur lesquelles je vais pas revenir, c'est il y a très peu de cadre en fait. C'est-à-dire que vraiment c'est un peu comme le prêtre, il y a un cadre, mais c'est voilà, ça manque vraiment de structure, quoi. Alors que la messe traditionnelle, il n'y a pas d'interprétation possible, hein, vous ne pouvez pas tergiverser. La seule donnée qui change, c'est que si vous y allez d'un jour A à un jour B, ça va changer par rapport au texte qui sera lu, bien sûr. Le propre et l'ordinaire, vous connaissez ça. Mais sinon, tout est cadré sans un petit côté un peu militaire, je trouve. Tout est codifié, effectivement, dans la liturgie catholique, donc le culte romain. Un petit côté fascisme, voilà, on peut le dire. ouais, mais complètement, complètement. Ah bah, tout est fasciste, hein, dans l'ordre naturel, comme dirait Caroline Forest, et même dans la langue française, selon certains, parce que la grammaire est ordonnée, même les mathématiques ont leur logique, on peut pas s'y opposer, quoi, c'est là, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Ah, faut pas dire ça, Rex, du coup, ils vont te dire, ah bah, si la grammaire française est ordonnée, il faut éviter la messe en latin, et puis se tourner vers le français, non, mais là, je me fais l'avocat du diable. Ouais, mais du coup, ça veut dire que les prochaines messes, entre guillemets, hein, donc les cérémonies conciliabulaires, elles seront même plus en langue vernaculaire, donc le français, les langues d'origine, etc. Elles seront en inclusif, tu sais. Le prochain stade, c'est le Vatican III, quoi. ouais, Unacum Yel, quoi. Unacum Françoise. Ouais, bah, tu sais, on en rigole, mais aux États-Unis, dans les sectes protestantes, ils sont déjà à faire des délires pareils. Hein. Je sais pas si c'est chez les modernos, ils font ça aussi, mais c'est avec les pronoms en anglais. En gros, ils font exprès pour que le pronom féminin soit employé quand ils parlent de Dieu. Notre mère qui est aux cieux, quoi. Ouais, ouais, et puis alors déjà, ça c'est le Vatican III, Vatican IV, c'est notre non-binaire qui est aux cieux. Ni elle, ni lui, Dieu devient non-binaire. Alors que la question de l'homosexualité remue le pape François, l'Église d'Angleterre s'interroge sur la neutralité de genre. Deux organes de l'Église vont se réunir au printemps pour déterminer de nouvelles façons de désigner Dieu. Si Dieu est une figure qui ne possède pas de représentation, ce dernier est pourtant distingué au masculin. Depuis des années, de nombreux adeptes de la foi chrétienne ont fait entendre leur voix et demandent d'arrêter de qualifier Dieu par « il », « lui » et « notre Père ». Les commissions chargées de cette mission pour les cinq prochaines années ont déjà considéré de possibles changements. Grâce à la révérende Johanna Stobar qui souhaitait un langage plus inclusif. Bah, vous avez souligné un bon point, c'est vrai. Ça éclate aux yeux, c'est la marée blanche qui se trouvait donc à ce pèlerinage qui n'est pas encore interdit. Donc voilà, si on veut se retrouver entre blancs et catholiques, on a encore le droit d'y aller parce que je signalerai ici que voilà, au nom du Covid, voilà, comme disait Dédé, au nom de la circulation d'un virus, on interdisait tout, on interdisait la moindre circulation, on interdisait la vie, quoi. Et maintenant, il n'y a même plus besoin de l'excuse d'un virus pour empêcher des tonnes et des tonnes de manifestations nationalistes, d'hommage à Sébastien Desieux, à Sainte-Jeanne d'Arc, le banquet de Rivarol, enfin, on les décompte plus, là. Il y en a une dizaine en l'espace d'un mois à peu près d'activités interdites, estampillées ultra-droite, disons. Donc voilà, là, je crois que le nationalisme est un virus en tant que tel, quoi. Cette histoire de langue utilisée dans les offices, c'est aussi intéressant pour notre point, parce que pour un événement de cet ordre, je sais qu'il y a aussi pas mal de pèlerins qui viennent d'Europe, qui ne sont pas forcément francophones. Et donc là, ils arrivent et puis ils se retrouvent complètement... Il n'y a pas besoin de s'adapter, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à la messe en latin, vous y allez partout dans le monde et puis ça pose aucun souci. C'était ce qui était déjà arrivé d'ailleurs lorsque j'étais en vacances au Portugal. Donc, normalement, quand on est en vacances, on n'a pas forcément l'obligation, surtout que moi j'étais l'obligation de se rendre à la messe le dimanche, c'est mais on peut pas, quoi. Donc j'étais dans une disposition, on va dire, pratique qui faisait que c'était pas du tout arrangeant, mais mine de rien, je m'étais rendu le dimanche et je m'étais retrouvé complètement, quoi. C'est-à-dire, je m'étais même pas posé la question, je parle pas un mot de portugais, évidemment. Je m'y étais rendu et tout, j'avais quasiment tout compris, à part bien sûr les passages où le prêtre doit s'exprimer dans la langue locale, où forcément quand il a fait son homélie, j'ai pas compris un mot, quoi. J'ai compris Jésus, voilà, ça c'était facile à comprendre, sinon le reste j'ai rien compris. Mais je veux dire, pour toute la suite de la cérémonie, c'est aussi un des points qui fait que, c'est pas le seul d'ailleurs, que le latin, voilà pourquoi on y tient, c'est aussi pour ça. Le côté universel, là, on le voit de manière complètement pratique. Et toi, là, tu ne comprends pas les sermons français, là. Le français, c'est ma langue. Je parle le français, la langue de Molière. Voilà, c'est tellement bien fait qu'on s'y croirait, là. Donc, plus Claudeur. Mon cher Bobby, par contre, je suis pas d'accord pour les vacances. C'est pas parce que tu pars en vacances que tu peux louper le culte de religion qui est... Non, sur la route, je voulais dire. Je me suis mal exprimé, sur la route. Ah oui, excuse-moi, d'accord. Non, parce que, justement, il faut prendre... Si vous partez en vacances, si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, il faut prendre en compte le fait de pouvoir aller à la messe le dimanche au maximum, quoi. Donc, par exemple, je ne vais pas partir en vacances au Tadjikistan parce que je sais que là-bas, tu as que des dromadaires et que tu n'as pas d'église catholique, quoi, tout simplement. Enfin, ça me paraît assez logique, quoi. En même temps, qui veut aller en vacances au Tadjikistan? Oui, c'est sûr, mais bon, c'est histoire de donner un exemple, quoi. Tu en as toujours, tu sais, qui veulent partir à l'autre bout du monde... Alors que, bon, en plus, chez nous, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a tous les paysages, toutes les saisons en France. Et même en Europe, il y a quand même une grande communauté traditionnaliste qui permet d'avoir effectivement des lieux de messe presque partout, quoi. Donc oui, je pense qu'au Portugal, tu n'as pas eu trop de soucis non plus à trouver une messe de toujours, comme tu dis, en latin, parce que l'Église est universaliste et apostolique. Et des pays en Europe qui sont traditionnellement catholiques, comme par exemple, on va dire les plus grands pays, on va dire traditionnellement catholiques, en dehors de la France, on peut citer, je pense, l'Irlande et la Pologne. Et dans ces pays-là, je sais que c'est assez, c'est plus compliqué en fait de trouver des messes tradies, aussi paradoxal soit-il, tout simplement parce qu'en fait, les locaux, ils ressentent moins le besoin de la tradition parce que culturellement, ils sont imprégnés de catholicisme, alors de catholicisme moderniste, j'entends bien, mais du coup, ils comprennent moins le message traditionnel. Ils voient moins l'urgence. Ah bah attendez, qu'est-ce qu'ils nous racontent ces intégristes là, c'est des foutaises. Nous on voit bien qu'on continue à vivre la foi, etc. Alors qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. J'ai envie de dire au niveau de la doctrine, c'est les mêmes sottises qui sont sorties par les modernistes. Et puis pareil, le vieillissement de la population, les gens qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné la pratique tout simplement. Mais bon, vu qu'il y a ce côté culturel très fort, même identitaire d'ailleurs. Typiquement pour la Pologne, c'est beaucoup plus identitaire par rapport à leur histoire. Là, ils ont envie de retenir ce caractère catholique pour brandir un étendard national. Et du coup, ils se rendent moins compte de l'urgence, parce qu'il y a urgence, hein, de l'urgence de renouer avec la tradition. Tu dis bien, Bobby, donc, puisque en France, voilà, le clergé, entre guillemets, a été tellement gauchiste que la réaction traditionnaliste majoritairement ne pouvait se faire presque que là. C'est pour ça qu'il y a eu un Monseigneur Lefebvre et quelques autres personnalités, hein, l'abbé Georges de Nantes, Voilà, on les énumérera pas tous, mais et oui, dans les autres pays, même Italie, Espagne, etc., les gens étaient un petit peu plus conciliaires, conservateurs, en fait, cette catégorie-là, qui est bon et moderniste et rattachée à tous les rites Vatican II, mais avec un esprit traditionnel. Donc, ces gens-là ressentent moins le besoin, en fait, d'une réaction radicale et d'un retour en arrière un peu plus poussé. Donc, c'est vrai qu'en Pologne, on ne trouverait pas forcément une messe rite ancien, enfin le rite de toujours, comme vous dites, là où si on n'a pas trop le choix, bon après... Surtout la Pologne, excuse-moi de te couper, parce qu'en plus il y a eu Jean-Paul II, donc là, si vous touchez à Jean-Paul II par rapport aux Polonais, ils le prennent très mal et voilà. Ouais, du patriotisme à deux balles, quoi, mais bon, c'est la vie, quoi. Et oui, quand même, pour préciser un petit peu plus ce que disait Dédé, bon, c'est vrai qu'il faut privilégier les lieux où on peut avoir une messe le dimanche si on part plus d'une semaine, mais en tout cas, dans la doctrine catholique, bon, contrairement aux protestants ou certains évangélistes, un peu home aloneur, vous savez, tout seul à la maison, on pratique la foi seule sauve et il n'y a plus besoin de ministre de Dieu. Bon, en l'absence de ministre de Dieu, en tant que catholique, on a le devoir, dans tous les cas, d'honorer le dimanche. Donc, si vraiment vous êtes dans une situation comme ça, sachez que voilà, il faut pouvoir remplacer par l'écoute d'un sermon en ligne, réciter un chapelet, lire au mieux même la messe du jour, voir le propre du jour, l'ordinaire, le sanctoral. Enfin, vous voyez, selon le jour que vous êtes, mais c'est possible de le faire tout de même, même si c'est à éviter. Voilà, pour un catholique, disons. Je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit, Bobby, par rapport à la Pologne et l'Irlande. Aussi, Rex, tu as parlé d'Espagne et d'Italie. C'est vrai que c'est des pays où il y a une identité chrétienne qui est forte. Et en fait, donc beaucoup de gens de ces pays-là sont chrétiens par identité. Et en fait, ce n'est pas vraiment par amour du bon Dieu, ce n'est pas vraiment pour la foi catholique, c'est parce que c'est leur identité. Et comme en Italie, par exemple, effectivement, c'est un pays qui est très croyant. Il y a beaucoup de catholiques, hein, voilà, qu'on va dire, au moins de culture justement. Mais il y a assez peu de tradis ou de messes selon le rite tridentin, le rite de toujours en fait. Mais ce qui est beau en Italie, c'est que à la moindre place, il y a quatre églises aux quatre coins de la place, et vous rentrez dans une église, c'est rempli, tout le monde récite le chapelet tout le temps. Et c'est vrai que bon, il y a un côté qui est vraiment positif, qui est vraiment engageant, etc. Mais ça reste le côté identitaire, pas une foi qui est vraiment spirituelle à mon sens. C'est vraiment identitaire. Et tant qu'il n'y aura pas eu de revirement total des escrocs au Vatican, c'est-à-dire tant que ce ne soit pas quelque chose de 100% flagrant, d'une imposture, etc., je pense que tous ces peuples-là ont du mal vraiment à se dévêtir de cette identité chrétienne, quoi. En tout cas, de ce semblant d'identité. Comme tu disais, pour la Pologne, avec Jean-Paul II, bah oui, tous les Polonais sont fans de Jean-Paul II, donc ils suivent bêtement, un petit peu, si j'ose dire, le conciliabule Vatican II, parce que Jean-Paul II suit le conciliabule Vatican II, quoi. C'est un peu l'idée. En plus, il est resté longtemps en place, donc ça n'a pas aidé. Hein. Faudrait qu'en fait, faudrait que les Britanniques se convertissent en masse au catholicisme, déjà pour saluer leur âme. Et ça pourrait peut-être au moins résoudre la question irlandaise, parce que les Irlandais, du coup, ils se déclarent catholiques en opposition aux Britanniques, dont ils ont obtenu l'indépendance début du 20e. Voilà, je veux être catholique, je suis pas comme ces British qui sont protestants, etc. Donc du coup, si les Britanniques deviennent catholiques, peut-être qu'on pourrait effacer tout ça et que les gens s'en mettront peut-être en question. Ou alors, du coup, les Irlandais vont devenir protestants pour pas être comme les Britanniques, je sais pas. Ah oui, d'accord, je connaissais pas particulièrement le cas anglais-irlandais, je veux dire. Mais ouais, donc là, c'est vraiment en opposition aux Anglais, on est l'inverse, quoi. C'est... Ouais, bon. Qu'est-ce qui est ridicule, bon Dieu, quoi. Moi, je suis pas... Tout, et peut quand même transmettre des grâces, mais... Compliqué, quoi. J'ai pas envie de me déclarer catholique français parce que en opposition aux Allemands avec qui on a fait deux guerres mondiales, parce qu'ils sont plus protestants que nous, quoi. D'ailleurs, sont-ils plus protestants que nous? Je pose la question parce que pour moi, le modernisme, je vois très peu de différence entre le modernisme et puis le protestantisme. Hein. En tout cas, de moins en moins de différence. Ah, mais clairement, il y a certains protestants traditionnalistes qui sont plus catholiques que des modernistes. Tout le monde à l'envers, c'est... Alors du coup, vous me tendez une perche formidable pour enchaîner sur le deuxième sujet qui a un lien direct avec ce qu'on vient de dire. On parlait des modernistes, on parlait bien sûr du pape de l'Église de Vatican II, le pape François, qui a décidé de s'exprimer... Il peut décider aujourd'hui, un jour sur deux, Françoise. François, et puis à la fin du S, tu rajoutes point E, on ne sait pas, voilà, ça dépend comment ils se sentent aujourd'hui. qui a décidé de s'exprimer par rapport à ceux qui refusent le Concile Vatican II, d'accord ? Donc les méchants bonhommes comme nous, voilà, qui sont bien sûr terribles. Je vais vous faire une petite citation de ce qu'il a dit. Le concile est encore en train d'être mis en œuvre et je sais que les résistances sont terribles. Il y a un restaurationnisme incroyable, d'où l'invitation à ne pas avoir peur de changer, car le retour en arrière ne préserve jamais la vie. Il faut la changer. Alors qu'aujourd'hui le danger est l'arriérisme, la réaction contre la modernité, et c'est une maladie nostalgique. Donc je passe un peu la citation. C'est pourquoi, a-t-il expliqué, j'ai décidé qu'il était désormais obligatoire d'obtenir la concession de célébrer selon le missel romain de 1962 pour tous les prêtres nouvellement consacrés. Après toutes les consultations nécessaires, j'ai pris cette décision parce que j'avais vu que cette mesure pastorale, bien faite par Jean-Paul II et Benoît XVI, était utilisée de manière idéologique pour revenir en arrière. Voilà. C'est quand même pas la première fois que François tire à boulet rouge contre les traditionalistes. Là, on lui a rien demandé. C'est vrai, en plus, on lui a rien demandé. Hein. Là, il tire encore à boulet rouge. On va revenir sur ce qu'il vient de dire, bien sûr, mais, petite personnelle, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà entendu François s'exprimer avec, on va dire, de la vigueur et puis un peu de... même de la fougue et puis un peu de haine à l'encontre de quiconque à part les tradis. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez être le sataniste hindou musulman athée, ce que vous voulez, là ça va. Hein, qui suis-je pour juger? Faut être tolérant. Ah, vous êtes transgenre, ascendant, gémeaux? Oui, ouais, ça va. Si vous aimez un petit peu Dieu, ça va. Les lobbies tutti. Aucun lobby n'est bon, a déclaré le pape, en incluant le lobby gay. Si une personne est gay, j'y cherche le Seigneur avec bonne volonté. Qui suis-je pour la juger, a-t-il ajouté. Ce salopard de traditionnalistes qui refusent le Concile Vatican II, alors eux, il faut les jeter aux orties. Quoi. Ouais, bah, ils nous insultent de babouin, hein, tu l'as dit, puis c'est un signe révélateur, mais on a envie de se dire, comme tu l'as souligné, pour qui il se prend. Quoi. Il dit qui suis-je pour juger dès qu'il faut parler des fiottes. Et là... d'un seul coup, quand c'est les tradis, ils nous jugent, ils nous détestent à fond de cale, il y va en mode évolutionnisme à fond, en s'en prenant en fait à des gens qui simplement sont attachés à la foi. C'est même pas une question de réactiver un musée, de rouvrir un musée qui a fermé, c'est pas du tout ça. C'est, on est attaché à la vraie foi, on veut la propager, la défendre, c'est tout. Ça nous amuse pas de dire « ah oui, c'était mieux, l'herbe était plus verte dans le passé », ça n'a rien à voir. Donc ouais, il faut le prendre quand même pour un affront, hein, en vrai. Et voilà, en fait, c'est ça. Quoi. Il nous traite de musée préhistorique alors qu'on est juste attaché à la vérité. Et lui, donc, se prétend en tant que moderniste superbement intelligent, il n'est pas du tout passéiste, il évolue, c'est la constante progression, etc. Alors que le clergé en Europe ne fait que vieillir, il a de moins en moins de pratiquants, les diocèses se vident et tout ça, mais elles se font même détruire, les églises, voilà, on les réaménage, sinon en musée, c'est même plus un culte religieux. Enfin voilà, on est au quatrième sous-sol, à côté, ça me fait penser un petit peu au caractère de Macron avec tout ce qu'il fait, et notamment quand il traitait les non-vaccinés pendant la crise Covid, par exemple. Je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. C'est un peu le même genre de personnages, là, les deux. En plus, ils aiment les trans tous les deux, ils aiment les Mamadou tous les deux. Enfin, ça leur fait tellement de points communs. On a vraiment l'impression d'avoir Karl Marx, voire Emmanuel Macron sur le siège de pierre, ou en faux semblant. Donc, c'est assez flippant. Même quand Macron avait révélé ses discussions privées avec un chef d'État, en l'occurrence Poutine, la Russie. Enfin, c'est des comportements de gamins nullissimes qui n'ont rien à faire ici. C'est complètement indigne d'un chef d'État comme d'un pape, encore plus à fortiori. Donc, ouais, c'est clair, c'est le quatrième sous-sol, là, c'est Vatican V. Je suis obligé de raconter une petite anecdote. J'avais entendu dans l'une des conférences qu'avait donné Mgr Lefebvre, lorsqu'il était en discussion, je crois, avec c'était encore Paul VI, donc il avait été reçu au Vatican par Paul VI, pour parler de tout un tas de problèmes avec la réforme qu'ils n'acceptaient pas. Il y avait déjà, bien sûr, c'était déjà très, très tendu. Et donc, le secrétaire du pape avait pris les documents de Mgr Lefebvre et puis les avait tous rejetés en bloc en disant « Mais ça, c'est les documents du passé, justement, comme tu dirais, il faut évoluer, maintenant, il faut accepter ça, ça, ça. » Puis donc, c'est un argument du coup qui a été retourné par Mgr Lefebvre, qui a dit, vous voulez que j'accepte ça, mais du coup, c'est la même chose. Dans 10 ans, dans 20 ans, vos documents là, que vous nous présentez, ce sera du passé, il faudra encore passer à autre chose. C'est sans fin, en fait. Du coup, si j'ai bien compris la citation de Françoise première, là, en gros, les prêtres qui sont ordonnés selon le nouveau rite donc de Montigny-Paul VI, ordonnés prêtres, donc faux prêtres, vont devoir obligatoirement réciter ce qu'ils appellent la nouvelle messe, quoi, en fait. Donc, ils vont demander l'autorisation. Ouais, l'autorisation ne sera pas donnée. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, des comédiens qui se prennent pour des prêtres vont réciter une fausse cérémonie, quoi, tout simplement. Bon, on n'est pas plus avancé, quoi. Au moins, le fossé s'écarte de plus en plus, c'est de plus en plus net. Bon, tant mieux. Hein. Oui, je voulais conclure là-dessus, justement. Tu m'as coupé l'herbe sur le pied des dés. En fait, tant mieux. Parce que ce qui était embêtant, on avait déjà parlé de ça, l'émission précédente ou celle d'avant, je ne sais plus, c'est le doute. On mélange un peu comme ça les genres, on ne sait plus. Lui, il est vrai prêtre, mais il fait des faux rites. Enfin, tout ça est très, très flou. Moi, j'aime bien qu'il y ait une petite cassure et qu'on voit vraiment qui est. Une démarcation nette. Voilà, et ça serait bien qu'ils essayent de canoniser Luther, là, au moins, par exemple, hein, c'est un acte fort, là. Ils canonisent Luther, et voilà, au moins, ça sera réglé. On n'en parlera plus. Il y aura une différence nette. On ne pourra plus dire oui, mais attention, la nuance, tout n'est pas. Voilà, au moins ça sera réglé. Ah, je serais assez intrigué de savoir pour quel motif il pourrait le canoniser, tu sais. Tu sais qu'il y a une statue de Luther qui a été érigée, je crois, je vais dire récemment, en tout cas il y a quelques années, moins de 10 ans, au Vatican. Ouais, je pense que s'il le canoniserait, enfin béatification, canonisation, ça serait en tant que réformateur, tu sais, un truc comme ça, genre oui, c'est un grand réformateur de l'Église. L'unité des chrétiens, c'est l'une des priorités du pape François. Le souverain pontife est donc allé en Suède, rencontrer les plus hauts représentants mondiaux luthériens et participer au coup d'envoi d'une année de commémoration autour de la réforme protestante. Il y a 500 ans, le moine catholique allemand Martin Luther avait critiqué l'Église et son pape. Son excommunication entraîna des guerres religieuses sanglantes dans les décennies suivantes et la rupture entre chrétiens. Le pape et le président de la Fédération luthérienne mondiale ont signé une déclaration commune, un document historique, même si des différends existent toujours, comme l'ordination des femmes ou la communion, dont sont écartés les couples mixtes, catholiques protestants, dans l'une ou l'autre église. Il s'est battu contre les abus d'un tel et un tel. Ce qui d'ailleurs peut être vrai, c'est-à-dire que Luther n'a pas fait que ça. Bien sûr qu'on n'a jamais dit que le fait de recevoir le sacrement du baptême ou même le sacrement de l'ordre, ça donnait l'impeccabilité. C'est faux. Même des hommes qui portent le col romain peuvent faire des bêtises. Mettre en avant le fait que Luther s'oppose à ceux qui font des bêtises avec ou sans soutane, ok, mais c'est pas ça le cœur de son propos à Luther, d'accord ? C'est accessoire tout ça. Le cœur de son propos, c'était de faire sécession ou de construire sa propre religion, et puis de piétiner les dogmes. Piétiner la tradition, bien sûr, piétiner les écritures. On arrive à un point, finalement, où la fin de sa vie, finalement, il s'embêtait plus, il triait, quoi. Dire que, ah oui, non, ouais, ça, Saint-Jacques, j'ai pas aimé la foi, les œuvres, tout ça. Non, du coup, c'est plus canonique, tout ça, on enlève. Ouais, c'est ça. Au final, ça part d'un bon sentiment au début. Oui, donc il y a quelques clercs qui respectent pas ci, qui respectent pas ça. Nan, nan. Donc je vais le dénoncer et ça part sur les hérésies totales. Ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Des abus, il faut quand même être honnête, des abus qui, je pense, ont été observés par Luther et qui n'ont pas été, qui n'ont pas été amplifiés, c'est pas la propagande. Je pense qu'il a certainement vu tout un tas de choses qui ont dû le choquer parce qu'il y avait un énorme laisser-aller. Ça, c'est évident. Ce qui, d'ailleurs, nous renvoie aussi sur notre propre responsabilité. On peut se dire... à cette époque, les catholiques n'ont pas été assez à la hauteur, il y a eu trop de laisser-aller, et ça a donné un peu du protestantisme. On a aussi une part de responsabilité là-dessus, je pense. Faut pas oublier que le jour de notre jugement personnel, il y aura, on va dire, deux sortes de jugements. C'est-à-dire que toutes les bêtises qu'on a pu dire ou faire, d'accord, tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Ça aussi, c'est important à préciser. Typiquement, c'est... je suis invité à un repas et tout, je connais pas trop ces gens, je vais pas faire mon bénédicité devant tout le monde, sinon, machin. Voilà, vous avez pas fait en soi, hein, vous avez pas posé un acte pécaminé. Un acte mauvais, ouais. Voilà. Et le fait de pas l'avoir fait, ça a aussi une conséquence. Parce que Tout simplement, un geste aussi simple que réciter le bénédicité, même pas à voix haute, le réciter pour, juste pour soi d'ailleurs, juste faire le signe de croix, tout simplement, ça prend 5 secondes, hein. Ça aurait pu peut-être déboucher sur une conversation, et puis quelqu'un qui se pose des questions, et qui, ah bah tiens, bah lui je le connais, il est catholique, tiens, j'avais justement des questions sur la religion, je lui ai donné un coup de fil, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le fait de ne pas l'avoir fait a une conséquence. C'est l'exemple le plus frappant généralement qu'on prend pour expliquer ce genre de cas, c'est pour ça que je me suis permis de m'appuyer là-dessus. Non mais c'est ça, c'est un peu par respect humain, une forme de lâcheté en fait. Alors que, voilà, petite expérience personnelle, dans la vie d'entreprise, je faisais mon bénédicité avant de manger avec les collègues au restaurant de l'entreprise en fait. Mais du coup, dès qu'il y avait une question qui concernait l'église, le pape, la catholicité de manière générale, alors ce collègue, il venait me voir en privé pour en parler. Alors jamais devant tout le monde, hein, parce que c'est pas à la mode, c'est ringard, blablabla, mais en privé, hop, il venait. Et quand vous vous affirmez catholique, et qu'à la table, vous faites votre signe de croix, etc. Donc déjà, bon, vous rendez justice au bon Dieu, etc., ça n'y a aucun souci. Mais surtout, les autres collègues ne vont arrêter de blasphémer. Toutes les blagues sur l'Église, sur le pape, etc., etc., ça, ils ne le font plus, parce qu'ils savent qu'ils vont vous offenser. Et bon, pour le peu que vous entendez bien avec eux, ou en tout cas, voilà, qu'ils soient vous êtes en bonne relation avec, ben, ils ne vont pas vouloir vous faire de mal. Donc c'est aussi le fait de s'affirmer catholique empêche aussi des blasphèmes et davantage de crasse, en fait. C'est un bon acte dont tu parles, ouais, c'est vrai. Et puis ton collègue, là, il fait penser un petit peu à Nicodème. Il vient te parler en scred quand aucune oreille écoute. Voilà. Jésus, je suis d'accord avec toi, mais ça serait bien que ça ne sache pas trop parce que ça fait mauvais genre, ouais. Nicodème. Il y avait un responsable juif appelé Nicodème qui appartenait au parti des pharisiens. Une nuit, il vint trouver Jésus. Après, d'où l'importance dans cette débandade moderno de se former. Hein. Nous, on avait un petit peu déménagé, je crois, il y a 2 mois, là, peut-être l'épisode 4 en avril sur ces sujets-là. Mais voilà, comme disait Bobby, on tranche pas spécialement sur ce qui relève la crise de l'Église ou des choses comme ça. On donne des éléments pour se former, se renseigner. C'est mieux de pas être uniquement cloîtré à son milieu, même si on a tous un milieu, genre typiquement pur frat, pur cédévac ou des trucs comme ça. Il y en a beaucoup, bah, surtout à la frat, qui est le groupe tradit majoritaire. Ils connaissent rien du tout de ce qui s'est fait en dehors, ils croient que ça existe ou des choses comme ça. Et je pense que c'est bien de connaître l'histoire de l'Église en général et même l'histoire de l'Église dans le combat contre Vatican II, d'une certaine façon. Donc vous aviez, je sais pas, il y a un débat qui peut être écouté là, entre l'abbé Cellier et l'abbé Zins. L'abbé Cellier est à la frat, bon il était jeune parce que c'était du temps de Serge de Bekech. Je dirais pas que l'abbé Cellier n'a pas marqué quelques points, mais c'est vrai que le pauvre l'abbé Zins avait quand même sacrément mitraillé. Voilà, après l'abbé Zins par exemple, il a fait des résumés sur... voilà, erreur du lefévrisme ou de Monseigneur Gérard des Lauriers ou des choses comme ça. Moi, j'invite les gens à se renseigner un peu sur tout. Par exemple, vous aviez l'abbé Lucien qui avait été guérardien, lui. Il a fait un livre sur la thèse de Cassicacum. Ce n'est pas le meilleur exemple parce que bien que n'appartenant pas à l'Institut Mater Boni Concili, l'IMBC, il avait rallié, lui, pour le coup, en tant que c'est déprivationniste. Mais voilà, vous avez des petits ouvrages comme ça ou des auteurs comme Maxence Écart, le livre 60 ans de religion conciliaire pour bien se rendre compte des dégâts et de se renseigner véritablement le magistère sur l'autorité dans l'Église, du pape, de la hiérarchie, des choses comme ça. Vous avez Griff Ruby. La CMRI aussi, qu'on peut signaler, bien qu'en Europe, elle ne soit pas hyper présente, c'est surtout aux Amériques, Nord et Sud. Ça a été créé en mai 68, et pour eux, c'est peut-être la structure dont je me sens le plus proche. C'est d'un genre, c'est des vacantistes non sectaires. Donc, ils acceptent que certains fidèles voilà, assistent à tel ou tel mestradi. Et cet esprit non sectaire est quand même combattu par certains auteurs à raison, bien que... Voilà, moi je pense que c'est quand même un postulat cédévacantiste qui se rapproche un peu plus de la réalité, même depuis Paul VI, Jean XXIII et tout ça, mais avec Bergoglio, c'est tellement criant qu'on n'a presque plus envie de demander des preuves supplémentaires. J'ajoute que Longinus, comme promis, vient nous rejoindre. Here comes a new challenger. 12 seconds later. C'est quoi, c'est ce qu'il est, il est d'origine argentine, donc c'est Jorge Bergoglio. C'est ça. Et comme nombre d'Argentins, il est des origines italiennes, donc le G, on le prononce pas, c'est Bergoglio, c'est un L. Bergoglio, ok. Et Jorge en prénom, en effet, c'est bien lui. C'est un sacré, je sais pas, j'ai plus de mots pour le décrire en fait à ce stade-là. Mais au contraire, on doit se réjouir en fait. Là, il est en train de nous dire que nous, on est des hérétiques. C'est limite, c'est en train de faire un schisme. Ah, donc c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que plus il pousse, plus il continue dans son chemin, mieux c'est pour nous, parce qu'en fait, le mal se dévoile au grand jour. Parce que le problème qu'on a actuellement, en fait, surtout pour nous, parce que moi je suis aussi c'est des vacantistes, le souci qu'on a, c'est qu'on a en fait les modernistes. Donc là, on voit très bien ce que sont les modernistes, ça c'est le point que tout le monde sait. Les églises se vident, vous allez dans des messes modernistes, en fait, c'est pas des messes, c'est des espèces de kermesses, c'est du folklore, c'est de la danse. C'est... J'ai même vu la liturgie des aliens, une fois, où il y avait un truc complètement délirant, où le prêtre tournait sur lui-même comme s'il était en transe. Il y a des trucs complètement dingues. Et il y a le souci, en fait, le plus gros point qu'on a actuellement de contention pour vraiment réussir à séparer le bien du mal, vraiment, dans tout ce qui se passe, c'est la fraternité Saint-Pilis. Donc, comme beaucoup, c'est là où j'ai commencé, où j'ai fait mon catéchisme, parce que moi, je suis passé, en fait, je suis baptisé en tant qu'adulte, je suis d'abord allé dans une église moderno, le prêtre n'était même pas capable de me répondre à mes questions, et donc de là, j'ai fait OK, j'ai rencontré des groupes de catholiques traditionnels, et effectivement, les points, ils étaient plus capables de me répondre que le prêtre moderniste. Je suis allé à fraternité, c'est de là où j'étais baptisé en tant qu'adulte. Le problème fut que petit à petit, en fait, force de discuter, à force d'aller à la messe, et de voir en fait les sorties en même temps de Bergoglio, arrivé à un moment où prier d'être en unacum avec lui, je me dis attendez, c'est plus possible, ça va trop loin. Et il y a eu le Pachamama qui là, ça a été la goutte de trop. Et pour d'autres, en fait, ce qui a été la goutte de trop, c'est quand la fraternité a accepté le vaccin pour le Covid. Alors là, il y en a qui ont jeté l'éponge. Quand on dit c'est terminé, moi j'ai vu mon parrain dire hop, terminé, je quitte la fraternité. Et lui, il était là-bas depuis très longtemps. C'est qu'en fait, tout le monde ne quittera pas la même étape. Mais plus ils avancent, plus la fraternité est obligée de faire des concessions pour pouvoir avoir, en fait, je crois, pour avoir la reconnaissance des mariages et d'autres choses. Ils ont fait des concessions. Le problème, c'est qu'en ayant fait des concessions, l'autre en face, ça va tellement loin, ce qu'il fait, ce qui est très bien pour nous. Il y a un moment où je pense qu'on va arriver au stade, c'est soit la fraternité se rallie complètement et dit « Ok, c'est bon, on se rallie », ou soit ils vont être déclarés hérétiques carrément par François. Là, tu rends bien les pieds dans le plat, l'ami. C'est vrai que nous, on se définit, je veux dire, catholique en l'absence de pape, on reste attaché au Saint-Siège. Le mot c'est vacantisme, ça n'a pas une définition vraiment en soi, dans le sens où on est catholique et rien d'autre, disons. Mais c'est vrai que c'est sur ça que j'attirais l'attention en disant qu'il fallait un peu se former et tout ça. C'est que finalement, là, Bergoglio propose quand même de petit à petit manger du tradit, en fait. Hein. L'idée, c'est ça quand même. Et donc en face, comment va-t-on faire chez les traditionalistes pour perdurer dans cet état-là entre ceux qui sont plus ou moins ralliés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas du tout et tout ça, en sachant que la nature humaine est telle que voilà, la fraternité n'a que 3 évêques, 3 et demi. Il y en a un, c'est un ex-moderniste qui n'a pas été réordonné, vous savez, cette affaire. Voilà, avec Mgr Wunder, il y a déjà ça. On s'est permis le luxe de virer Mgr Williamson pour les propos sur les chambres arrière, etc. Voilà, avec des effets un peu dans le temps, ça avait fini comme ça. Donc ça fait un évêque en moins. I believe that the historical evidence is strongly against, is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one Jew was killed? In gas chambers. So there was no gas chambers? I believe there were no gas chambers. Il y a des rumeurs, des discussions, mais qui ont l'air vraiment fondées pour le coup, comme quoi ils vont faire quand même de nouveaux évêques, ce qui est une nouvelle positive, parce que ça va permettre justement de perdurer, de se faire manger moins vite par les modernos, au cas où ils ont plus ou moins envie de se rallier, un peu comme la tactique Mgr Fellé, où c'était un véritable cauchemar il y a quelques années et qui continue. Donc c'est vrai qu'il y a ce risque-là, quoi. Alors du coup, je repense à une seconde anecdote avec Mgr Lefebvre, parce que j'ai écouté des conférences en fait pour préparer aussi l'émission. C'est pour ça que le truc me revient en tête. C'est une fois aussi, il avait été reçu chez le pape, et là pour le coup, je suis sûr, c'était Paul VI, en gros, Mgr Lefebvre avait dit « Attendez, vous ne m'autorisez pas à nommer, à sacrer de nouveaux évêques, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que je meure ou quoi? Et en fait, il a été face à un silence, justement, qui contenait en fait beaucoup de réponses. C'était ça la stratégie, en fait. C'est ça, c'est l'entropie. Les évêques font les papes et pas l'inverse. Et les évêques, c'est un peu l'égal des apôtres, c'est-à-dire que c'est vraiment essentiel à la nature de l'Église, il nous les faut vraiment. Il y aura jusqu'à la fin des temps au moins un évêque sur Terre pour que l'Église perdure. Voilà, ça, c'est une chose qui est certaine. Ou pas d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire, un prêtre peut être cardinal et un prêtre peut, je crois que c'est très rare, mais un prêtre cardinal, qui n'est pas évêque, je veux dire, peut aussi être un cardinal qui pourrait voter pour le pape. Voilà. Parce que tous les cardinaux ne peuvent pas voter pour l'élection du prochain pape. Mais je crois que c'est cas extrêmement rares. C'est l'ordre et la juridiction, c'est vrai que c'est deux thèmes distincts et en même temps mêlés, où tu peux être l'un et l'autre, tu peux être prêtre et curé ou pas curé, et il y a plein de statuts comme ça qui sont en réalité assez complexes dans l'Église, c'est vrai, tu as raison. En tout cas, c'est intéressant parce que Longinus nous a rejoint en cours de route, comme je vous avais dit, et donc il avait commencé son argumentation en disant, finalement c'est une bonne nouvelle, on voit mieux la ligne de fracture, et c'est intéressant Longinus parce que juste avant que tu viennes, on avait dit exactement la même chose, on était arrivé aux mêmes conclusions. Et pour ceux qui nous écoutent, voilà, on ne s'était pas concerté spécialement, on n'est pas parlé du sujet-là. Ça va arriver où finalement, la ligne de fracture va être de plus en plus nette, et à la fin, ce sera plus possible de tergiverser comme on voit actuellement. Voilà, c'est une question de mois, d'années. Hein. Je ne sais même pas si, pour combien il lui reste à Bergoglio. C'est ça aussi. Apparemment, j'entendais des rumeurs de sortie, de passation de pouvoir, je ne sais pas où ça en est. Non, en tout cas, dans une guerre, il n'y a rien de pire que l'ennemi qui est camouflé. C'est très bien que dans une guerre, parce qu'on est dans une guerre spirituelle du bien contre le mal, parce qu'on voit très bien ce qui se passe à travers le monde, et l'Église en est le point central actuellement de ce qui se passe, c'est là, on a le mal qui s'affiche, qui nous piétine, mais qui s'affiche, et qui dise, comme s'il était triomphant, « Ah, j'ai gagné, regardez, vous, c'est terminé. » Non, non, c'est très bien. C'est très bien qu'il s'affiche, ce qui fait que les Églises modernistes se vident. En France, il n'y a quasiment plus de prêtres qui sont en âge. Ils en ont moins en moins de prêtres qui viennent dans les églises modernistes. Il y a les je crois l'âge moyen, c'est combien? C'est 75 ans? C'est très vieux. Hein. Il y a de plus en plus de moins en moins de gens qui vont à l'église. Alors, il y a des baptêmes. Je ne sais pas si vraiment les baptêmes, ça concerne plus les modernistes que les traditionnalistes. Non, il y a des Africains là, qui prennent la relève. Je suis jeune et je tiens la messe là. Ah, quelle horreur. ouais, c'est ça le problème. Heureusement qu'on a de l'encens quand même dans les cérémonies traditionnelles pour camoufler. Hein, bref. Sinon, ça sent fort, c'est ça? Je me serais pas permis de poursuivre cette phrase. Voilà. Ah, pourtant, Jacques Chirac, il se permettait, c'était la droite molle, hein, le bruit, les odeurs. Le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Ouais, mais tu sais, Marine Le Pen, je la trouve beaucoup plus à gauche que Jacques Chirac. Hein. Non, mais c'est vrai ça. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tout est inversé. Donc, plus on voit l'ennemi s'afficher, plus les gens voient que c'est complètement dingue et qu'en face, il y a des gens qui ont un discours comme ça, même pour en venir à la politique, ou qui ont des discours en fait qui veulent rien dire, qui veulent rien faire, hein, qui vont rien changer d'ailleurs. Plus le mal s'affiche, mieux c'est. C'est une très bonne chose. Et pour revenir sur le fait de ce qu'on appelle le CD vacantiste, donc nous qui considérons que la chaise de Pierre est vacante, à défaut d'avoir un vrai pape, et j'ai une citation pour vous, qui vient du point 26, il me semble, de lors de la 15e session du Concile de Constance. Point 26. « Du fait que des électeurs, ou la majorité d'entre eux, se sont mis d'accord de vive voix sur une personne, conformément au rite des hommes, cette personne n'est pas par le fait même légitimement élue, ou encore, elle n'est pas par là même le successeur ou le vicaire vrai et manifeste de l'apôtre Pierre, ou d'un apôtre dans une fonction ecclésiastique. En conséquence, que les électeurs aient bien ou mal élus, nous devons nous fier aux œuvres de l'élu, car du fait que quelqu'un agit davantage d'une façon méritoire pour le progrès de l'Église, il possède pour cela un plus grand pouvoir venant de Dieu. » Oui, le pape ne peut pas aller contre sa charge, il doit enseigner la vraie foi, autrement c'est qu'il ne l'est pas, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. C'est mathématique. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant de voir qu'il y a tant de gens qui hésitent, parce que comme moi, j'étais à la fraternité, c'est que j'étais content, les gens de la fraternité étaient très sympas, mais il y a un moment, non, c'est pas possible, c'est soit on est droit dans nos bottes et on dit « cet homme a un problème, ce n'est pas le pape, c'est une blague », et on peut pas être en communion avec quelqu'un qui fait n'importe quoi, on n'a jamais vu. Les autres avant, c'était à pas feutrer, c'était petit à petit. Mais là, ça va. C'est en fait, on appuie sur l'accélérateur, on a pété les freins, il n'y a pas d'airbag et on va tout droit, même pas dans le mur, quoi. C'est dans le ravin directement. Oui, après tu dis que voilà, la fraternité s'oppose à la fraternité, puisque voilà, d'un côté, le rite d'ordination de l'évêque est valide, ah non, il n'est pas valide, ah oui, si, il est valide. Puis comme, mais c'est aussi... comme on l'a vu avec Mgr Hunder récemment. C'est ça, quoi, ah oui, Mgr Hunder, c'est, ouais, c'est d'un très côté, grave. Ça, oui, que votre oui soit oui, que votre non soit non, là, bon, on est un peu, que votre oui soit peut-être et non peut-être, enfin, c'est un petit peu flippant aussi, c'est sûr. De toute façon, c'est positionnement Dieu... doctrinal qui varie. Oui, c'est ça, et Dieu n'oublions pas, hein, Dieu vomit les tièdes. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent à fraternité parce qu'ils ont leurs petites habitudes. Donc c'est toujours le confort de l'être humain aussi. Les gens, ah, mais j'ai mes habitudes et tout. Moi, je sais que mon père, il a fait, non, j'ai ma famille qui est là-bas, j'en ai rien à faire. Il dit, si j'accepte de rester à fraternité et d'être en non-com, ça veut dire que ma foi ne repose sur rien. Ce sont des gens qui ont un petit peu de bouteille, qui ont un petit peu d'âge. C'est vrai que, peu importe le sujet, les gens qui ont un certain âge, généralement, une fois qu'ils ont un avis tranché, ils ne vont pas beaucoup changer de position. Je ne connais pas beaucoup de gens qui changent d'avis à partir d'un certain âge, voilà. Pour les jeunes, on va dire par exemple, typiquement comme Longinus. D'ailleurs, je crois que c'est le cas pour nous tous ici sur ce chat, sauf Dédé. On est tous des baptisés adultes, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça, et tous à peu près trentenaires, quoi. Désolé de te décevoir, mais non, moi c'est pareil, hein, je me suis converti il y a 10 ans. Ah oui, d'accord. M'a donné la grâce de me convertir il y a 10 ans. On est tous des néo-convertis, mais pas trop néo non plus. Bah, je pense que pour ce genre de profil, en tout cas, c'est plus facile pour les gens comme nous de faire les choix difficiles. C'est-à-dire que c'était confortable, en fait, la vie d'avant. C'est-à-dire que t'as aucun compte à rendre, tu peux être immoral, et puis je dis pas que je suis parfait maintenant, c'est pas ça que je veux dire. J'ai envie de dire, c'est quand il n'y a pas de règles, tout est plus simple. Et le fait de se convertir, ça, c'est aussi un point à porter. Ça donne des joies, mais c'est aussi un point à porter. Mais en tout cas, si on s'est converti, on savait qu'on n'avait rien à gagner à part le ciel, et en tout cas, d'un point de vue purement matériel, on a, voilà, il y a rien à gagner physiquement. On s'est touché, ça a touché notre cœur parce qu'en fait, on a voulu toucher à la vérité. Donc, on est prêt à faire ce même schéma, à reproduire le même schéma. Si jamais on s'aperçoit qu'il y a une communauté qui est défaillante, on peut très bien décider de la quitter parce qu'on se rend compte que, en fait, le plus dur était fait là. Le plus dur, c'est de se convertir au catholicisme. Donc après, si maintenant il faut affiner et puis rejoindre vraiment la bonne chapelle, on est prêt à faire ce pas. Finalement, c'est qu'un petit détail de l'histoire, n'est-ce pas? Après, il y a aussi les gens, je pense un peu comme moi, par exemple, je suis obligé de mettre les pieds dans le plat parce que mon cher ami Longinus me laisse pas le choix. C'est-à-dire que vous considérez tous comme cédévacantiste, et moi je suis pas opposé au cédévacantisme, pas du tout. Il y a des gens aussi comme moi qui ont juste pas spécialement le temps d'étudier vraiment à fond le truc, et je me dis, si jamais je dois me prononcer, je dirais ouais, je pense que vraiment que les papes depuis Paul VI, ouais, à mon avis, ils sont pas papes. Mais je connais aussi, voilà, beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là comme moi, qui se disent, j'en suis pas sûr, c'est sûrement ça, mais faudrait que je creuse, faudrait que je prenne le temps d'étudier. Et puis moi perso, j'ai une famille, j'ai un boulot, et ça me prend beaucoup de temps, et donc voilà, il y a le côté je botte en touche, sûrement, probablement que, mais bon, je peux pas en être certain. Ma formation philosophique, j'en ai parlé justement à Longinus cette semaine, à titre personnel, pour moi, elle se limite à l'année de philo que j'ai fait en terminale. Donc, je me sens pas vraiment comme ça apte à trancher directement sur une question aussi compliquée. Alors, je te rassure, moi, c'est pareil. Ma formation philosophique est nulle. C'est le système scolaire français a été une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. La prof de philo que j'avais était tellement tarée que ça m'a certainement pas donné envie d'étudier la philosophie. En fait, en général, le système scolaire français te broie, parce que la seule chose que tu fais, c'est que tu dois régurgiter des cours, les apprendre par cœur sans les comprendre, et faire ça pour tenter de passer l'examen, pour penser aux classes supérieures, pour faire je ne sais quoi, parce que finalement, on ne donne même pas le temps aux gamins d'essayer de trouver ce en quoi ils sont bons, on les dirige même pas, et les profs sont complètement tarés. Voilà, suivons dans quel lycée vous allez. Moi, je sais que lycée public, à part les récré, le reste, c'était pas... Et les TP de physique-chimie où on faisait péter des trucs, ça, c'était drôle. Le reste, la philo était une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Mais, en devenant petit à petit adulte, on posait justement des questions, petit à petit, j'ai commencé à lire des ouvrages, j'ai commencé à comprendre un peu la philosophie, à avoir des notions et de lire. Le but, c'est de se faire du développement personnel. C'est certainement pas l'école qui donne envie de faire ça. Je vois que ça fait l'effet inverse sur beaucoup de gens. Heureusement pour moi, et j'en vois d'autres aussi, c'est finalement on aime notre pays, on voit que le catholicisme a apporté beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons menti, si ce n'est pas tout, finalement. Et petit à petit, en se posant des questions, en faisant le cheminement, et quand on est curieux, et quand finalement on a soif de vérité, et petit à petit, on apprend, et en apprenant, on lit d'autres choses, on va sur d'autres concepts, on apprend un peu la philosophie, la théologie, et puis finalement, comme pour beaucoup, je pense, ceux qui ont été baptisés adultes, petit à petit, le cheminement a fait que on a eu notre appel. Moi, j'ai eu mon appel qui m'a emmené. Ou alors, on tombe sur les livres de Laurent Glosi, et puis on part dans l'espace directement. Il y a de l'armement secret pour les ovnis. Et puis il y a la génétique secrète. Dans le cas de Dawson, j'avais dit que c'était un Américain qui était mort, certainement exécuté par les services qu'il fallait, parce que sur le haut d'une montagne, donc, il avait constaté la présence d'un géant qu'il a filmé. Et quelques jours après, donc il commence à enquêter, quelques jours après, il revient et il voit à la place de ce géant, au même endroit, donc il y a peut-être à plusieurs centaines de mètres, il voit un ovni. Et alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il voit un géant quelques jours après un ovni, et puis après, ça disparaît. Donc, si ça disparaît, c'est que ça disparaît quelque part. Et donc, si ça ne disparaît pas dans les airs, en tout cas pour le géant, j'en doute fort, c'est que ça disparaît sous terre. Et sous terre, donc c'est le monde des tunnels, des bases secrètes, et là-dessus donc ils font de la technologie secrète et ils font de la génétique secrète. Ils font de la génétique secrète et après ils vous font croire que ce sont effectivement des extraterrestres parce qu'ils ont des plans qui rentrent effectivement dans le cadre de l'avènement de l'Antéchrist. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Bobby, alors bien sûr ce sont les principes qui règne sur les princes, et quoi qu'il arrive, il faut qu'on reste attaché donc à la doctrine plutôt qu'aux hommes ou plutôt qu'aux institutions, quoi. Parce que les institutions et les hommes sont faibles. Là où il y a de l'homme, il y a de l'homerie, comme on dit, et donc ils peuvent évoluer vers quelque chose de négatif, en fait. Donc on reste bien sûr attaché aux principes. Sinon, Bobby, aussi, pour te répondre, il y a Hervé Ryssen qui disait que tous les bouquins du monde rendent philosémites. Mais il en suffit d'un seul pour rendre antisémite. Et bien, je pense que pour la crise dans l'Église, c'est un petit peu pareil, en fait. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a qu'un seul bouquin, mais tu vas cibler quelques bouquins et ça va quand même te répondre à pas mal de tes interrogations. Donc, moi, je peux recommander à nos auditeurs le bouquin de Maxence Eckhart qui s'appelle « La crise de l'autorité dans l'Église ». Donc, il étudie tout ça au niveau théologique, canonique, philosophique et historique pour prouver l'infaillibilité du pape, etc. Et donc, aujourd'hui, vu que les soi-disant papes enseignent des hérésies qui sont en contradiction avec l'enseignement de l'Église de toujours, et bien en fait ils ne peuvent pas être papes. Et donc voilà, donc il prouve ça dans son bouquin. Ça fait un peu de bruit parce que du coup il y a pas mal d'universitaires, de théologiens de tous les bords, des théologiens de la Fratrie Pidis avec les Dominicains d'Avrier, des théologiens modernistes, etc., qui lui ont répondu à son ouvrage. Et du coup il a fait un deuxième livre pour répondre donc à tous les arguments adverses, si j'ose dire. Donc c'est pas mal parce que le gars il est objectif, il est précis, il a écrit les argumentaires de ses adversaires sans rien transformer, et il y a répondu dans un deuxième tome. Donc voilà, donc La crise de l'autorité dans l'Église de Maxence Eckhart, je vous le recommande vraiment, ça permet de bien dégrossir le terrain. Tu fais bien, j'ai juste précisé son nom tout à l'heure, j'avais même cité... la Bézance, mais que je ne partage pas après ses solutions, parce que lui, il dit qu'on est entré dans une période apocalyptique, qu'on ne retrouvera plus une situation vraiment normale, et que donc, il y a une absence des ministres de Dieu, et donc on est home aloneur, il faut honorer le dimanche, soit avec la Bézance, soit tout seul à la maison, quoi. Il usurpe un petit peu son titre, mais il a le droit de célébrer la messe, puisqu'il s'était arrêté au diaconat de mémoire. C'est un petit peu comme curé de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas du Chardonnay, il n'est pas vraiment curé si la juridiction officielle des diocèses ne lui est pas donnée officiellement, disons. Donc voilà, c'est un peu des titres qui sont envoyés comme ça. Mais en termes d'auteur, vous avez aussi peut-être Philippe Taillade ou Alfred de Noyel dans les genres d'auteurs. C'est, on va dire, c'est de l'acantiste, mais pas trop sectaire ou quoi. Vous avez même le combat de l'abbé Couache aussi, qui était au début de la fraternité, qui avait plutôt cette tendance-là, et qui avait eu de nombre d'enseignements pour les fidèles de la frate, que ceux-là ont beaucoup trop tendance à oublier. Autrement, on n'en serait vraiment pas où on en est aujourd'hui à hésiter de se rallier ou des choses comme ça, si on était resté quand même à des enseignements bien, bien durs, radicaux. Voilà, revenir aux principes, comme disait Dédé, comme ce qui est radical, c'est revenir à la racine, en fait. On revient au commencement des choses. Il principio en italien, c'est ça, c'est le début, c'est le commencement. Bon, on peut passer directement finalement au troisième sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, l'occupation d'une église qui a été finalement annulée grâce à la mobilisation des tradis. Donc ça fait quand même trois bonnes nouvelles qu'on vous partage aujourd'hui. Ça s'est passé à Carnac avec 30 fidèles tradis qui ont stoppé la venue d'un concert bizarroïde, très bizarroïde, dans une église moderniste. 30 à 40 jeunes militants d'extrême droite, catholiques traditionnalistes, s'étaient placés sous le porche de l'église et empêchaient aux 200 spectateurs présents la possibilité de rentrer dans l'église, là où devait se produire le concert. Pas une église désacralisée, non. Une église tout à fait classique, dans laquelle on continue à faire les offices entre deux concerts sataniques, donc, qui pose d'ailleurs la question que j'avais marquée d'ailleurs pour préparer cette émission. Est-ce que les curés modernistes croient encore à la présence réelle? Voilà, à un moment, il y a une présence réelle dans les églises, donc il y a quand même une petite retenue à voir. Donc voilà, finalement, la mobilisation locale a encore payé, le concert n'a pas eu lieu. Les tradis ont très clairement décidé que l'église doit être affectée au culte et uniquement au culte. Petite victoire locale. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on remarque finalement les mobilisations locales paient, parce qu'en fait, tout simplement, les modernos, ils sont pas là pour protéger leurs églises, ils sont pas là pour faire avancer le schmilblick avec leurs concerts satanistes, puisque de toute façon, ils les fréquentent plus, les églises. Donc, finalement, on a l'impression que, d'une certaine manière, ce qui s'est passé il y a des décennies à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, nous, on est en train de le reproduire à de nombreux endroits différents en France. On est en train d'occuper les lieux que les modernos ont désertés. Qu'est-ce que vous en pensez? Honneur à ces Bretons, en tout cas, puisque, voilà, même au fin fond des provinces, si j'ose dire, il reste encore un... Nous ne sommes pas morts, quoi. Il y a un esprit de résistance, il y a un esprit vivant, le vitalisme est là, et là où il y a vitalisme, il y a un socle pour le fascisme, n'est-ce pas? Pour introduire un peu le sujet. Après, c'est, voilà, on souille les églises avec tout ce qui n'est pas du bon Dieu, quoi, de la musique horrible, même pas de la musique classique de salon, un truc comme ça, genre vraiment profane et horrible, musique de roi nègre, l'art contemporain, etc. Après, là, on dit tradit, je ne sais pas, dans ceux qui agissent, si... Il n'y a pas aussi un peu le type un peu riposte catholique, là, vous savez, les conciliaires conservateurs, comme on disait durant le premier sujet, il me semble, sont des gens qui sont conciliaires, mais ils ont un état d'esprit où ils pensent tradition comme nous, donc voilà, c'est dans le modernisme religieux et fanatique où là il y a vraiment quelque chose d'irréconciliable, même pas la foi, mais même l'état d'esprit. Donc là, ils sont jeunes, ils ont le look tradit, car oui, il y a un look tradit, et je sais que Civitas avait revendiqué des militants par rapport à cette action. J'en sais pas plus, donc effectivement, ça peut être aussi entre les deux. Moi, je suis en train de lire l'article, c'est très intéressant, c'est que apparemment le maire veut porter plainte, et le maire dit « Je ne pouvais pas tolérer que la violence des manifestants ne s'abatte sur un public venu pacifiquement assister à un concert ou que notre église subisse des dégâts. » Non, on se moque de qui? C'est vrai que les catholiques, on a tendance à être des terroristes en puissance. C'est très bien, bravo à eux. Ça veut dire que quand on se mobilise, au moins on peut faire des choses. Donc ça donnera peut-être du grain à moudre à pas mal de gens de dire que finalement, les mobilisations, ça fonctionne. Notamment pour ce genre de choses. Ouais, effectivement, force aux camarades bretons, du coup. Et ce qui est assez intéressant dans l'article, comme tu disais, Longinus, on peut aussi lire que du coup les opposants à nos camarades catho-tradis les insultaient de fachos. Donc en fait, voilà, c'est toujours pareil. C'est vous êtes des tradis, vous êtes des fachos, parce que vous êtes pour l'ordre, pour la tradition, etc. etc. Et ce qui est le fait de traiter leurs adversaires de fachos fait d'eux des antifas, des antifachos. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la seconde d'après, les mêmes antifas qui les traitent de fachos demandent aux flics de faire usage de lacrymo ou de choses comme ça, quoi. En gros, c'est toujours pareil. c'est la vermine gauchiste qui se protège derrière les flics pour faire le sale boulot contre nous. Les communistes, ça change pas. Je suis même plus étonné à ce stade-là, ces gens-là sont plus à une folie près. Mais c'est bien de célébrer ce genre de victoire, donc il n'y a pas spécialement de la violence comme ce qui est dénoncé, mais il y a un petit coup de force quand même qui est joué, et c'est une action spirituelle qui, comme on le voit, traumatise le démon et ses agents, quoi. Un petit peu comme le docteur Feu, le docteur Dor, lors des mouvements pour la vie, traumatiser les laïcars et les mairies, devant les hôpitaux, en mettant des petits chaussons, des paires de chaussons au sol vides, en disant « Voyez, tous les petits bébés que vous avez avortés, bah, ils sont plus là, et les petites chaussures sont vides. » Il avait été condamné en justice pour ça. Donc maintenant, pour un chapelet ou des petits chaussons, ça peut aller très loin avec la 5e République, n'est-ce pas ? C'est dans la continuité de 1789, hein, l'ennemi à battre pour cette République, c'est l'Église. Hein. Et regarde, je continue l'article, si les membres de Civitas ou d'un groupuscule du même genre tentent à nouveau d'empêcher la tenue d'un spectacle en Bretagne, devront s'attendre à trouver des militants de la CGT en face d'eux. Alors la CGT ne représente plus personne, mais ils se permettent de venir te dire « Ah non, mais il faut que tu laisses ton église se faire saloper par un concert de quelqu'un qui fait n'importe quoi. » Bon, bah écoutez, on les voit moins réagir par rapport à d'autres religions, hein, n'est-ce pas ? Ça, c'est des communistes qui veulent nous apprendre... qui veut nous faire des cours de catéchisme, quoi. C'est intéressant comme concept. On l'a vu encore cette semaine avec ce que tu disais, avec des petites actions. Petites actions, non, là, je vais prendre l'exemple. Je ne sais pas si vous avez vu les Vélib à Paris, qui ont été des petits autocollants qui ont été placés sur des Vélib. Vous voyez cet autocollant ? Eh bien, il a été placardé sur un tas de Vélib de la capitale cette nuit, et comme vous pouvez le voir, on peut lire « Et si vous l'aviez laissé vivre ?» avec le dessin d'un fœtus grandissant, puis devenant un bébé, et enfin un cycliste. Un message anti-avortement plutôt clair, et à l'initiative de cette action, le collectif Pro-Vie Les Survivants, qui a clairement revendiqué cette opération. Évidemment, cette action n'est pas du tout du goût de l'entreprise Vélib, qui condamne fermement ce geste, et qui a d'ailleurs précisé sur Twitter que cette campagne d'affichage n'avait jamais été autorisée. Vélib a même incité les usagers à décoller eux-mêmes les autocollants s'ils envoyaient sur leur passage avant d'annoncer qu'une plainte serait déposée. Ils n'ont pas mis sur tous les Vélib forcément, parce que c'est une tâche impossible à réaliser. En tout cas, ils en ont mis assez pour que la mairie de Paris s'offusque et dise « Vous vous rendez compte, l'horreur ! » Il y a des gens comme ça qui demandent à ce qu'on arrête de tuer des bébés, quelle horreur ! Et donc, ils vont porter plainte et tout ça. Voilà, voilà. Bah, tout ça, c'est que du positif pour le coup. Et puis, pour donner des petites solutions, comme j'aime bien faire toujours, c'est là, écouter de la musique plus traditionnelle, hein, évidemment, on ne lutte pas, entre guillemets, contre le mondialisme avec ses propres armes, donc éviter tout ce qui est rap, reggaeton, le rail, pourquoi pas, éviter tout ça pour plutôt vous replonger, vous retremper dans les véritables musiques traditionnelles, européennes, régionales, la musique classique, le chœur Montjoie Saint-Denis, pourquoi pas, la Joyeuse Garde, les chants de groupe, les choses comme ça, pas l'artiste et son nombril qui se met en avant sur la scène, mais vraiment la cohésion de groupe, le chant, tout ce qui est traditionnel, ce qui fait vivre un groupe, une fois un peuple, quoi, tout simplement. Hein. J'ai envie de dire ce que les Français avaient redécouvert lors de la guerre de 14-18 à l'occasion du front. Hein. Bon, on essaiera de mettre une musique techno pas trop bourrin en guise de pause musicale. Désolé, ouais, je tue les pauses musicales. Non, mais quelque part, la techno, comme le métal d'ailleurs, alors le métal, c'est pas du tout mon truc, hein, j'apprécie pas spécialement. Ce sont des musiques aussi contemporaines, mais qui sont produites uniquement par les Européens. Je veux quand même faire remarquer. Le public est européen. Européen, est-ce que vous avez déjà... et moins gauchiste aussi, parce que tout ce qui est rap rock et tout, c'est très gauchiste. Est-ce que vous avez déjà croisé, par exemple, ne serait-ce qu'un Algérien qui écoutait de la techno ? Voilà, la techno, ça déchire, frère, cousin. Je peux pas dire, ça fait longtemps que je ne connais plus ce genre de population. Généralement, tu sais, ils se font entendre. Dans les transports en commun, ils se font entendre, par exemple. Dans les grandes villes en France, vous avez des gens d'origine asiatique qui croient que parler français, la vraie langue française, c'est ça, parce qu'en bas de chez eux c'est cosmopolite et ils entendent que la manière de parler avec l'accent arabe et tout, wesh quoi. Donc ils croient que c'est le vrai français. Il y a vraiment eu des faits d'actualité comme ça, quoi. C'est hallucinant. Oh, quelle horreur. Pour revenir sur ce que tu as évoqué, Bobby, là, sur la campagne des autocollants là, sur les Vélib, en fait c'est le groupe Les Survivants, donc c'est un collectif donc anti-avortement, anti-euthanasie, etc. Et c'est vraiment super bien fait. En fait, c'est sur la protection de la roue arrière du vélo, sur le carter du vélo à l'arrière, qu'ils ont fait un autocollant, mais super gros, qui prend en fait, qui s'adapte à la forme du carter de protection de la roue arrière. Et le slogan, c'est « Et si vous l'aviez laissé vivre ?» Donc, on voit après une petite image, le développement de l'embryon qui se transforme en bébé, puis en petit garçon qui fait du vélo, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment excellent parce que c'est, comment dire, c'est pour toutes ces femmes-là qui ont avorté et qui aujourd'hui ont le syndrome du bébé mort. En fait, c'est « Ah, si je n'avais pas avorté, si je n'avais pas tué mon enfant, et ben là, il aurait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et peut-être qu'il ferait du vélo, quoi. » Donc, c'est vraiment, franchement, pas mal. C'est une superbe idée, force à eux. Et ouais, à renouveler du coup. Ouais, je reprends ce que tu as dit là-dessus, Dédé. Effectivement, l'image est super bien faite, mais en plus, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de femmes qui avortent le regrettent. Et là, toute la vie, elles subissent un manque parce que leur corps se souvient de ça. Donc, il faut savoir que ça a des conséquences sur le très long terme, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est sûr que ça ne doit pas aider l'hystérie féminisme. Hein. Ouais, c'est le féminisme, c'est un mouvement politique, mais l'hystérie est propre à toutes les femmes, à degrés variés. D'ailleurs, on dit bien une hystérie, quoi. Donc même le mot est au féminin, en fait. Du coup, les gauchistes féministes débiles vont te dire « Ah ben non, c'est un hystérie parce qu'il faut masculiniser les mots négatifs, blablabla. » Enfin bref. Ouais. Quand on parle à l'écriture en parlure inclusive ou carrément comme moi, parce que moi, je fais encore une autre proposition parce que moi, j'ai aussi une dimension artistique. Donc, quelque part, je fais ce que je veux avec mes cheveux et une peintresse choisit ses couleurs et moi, je choisis mon vocabulaire. Une chefesse en cuisine choisit ses saveurs et moi, je choisis ma grammaire. Donc, quelque part, quand on est autrice, quand on est artiste, on a aussi cette latitude et donc je fais exprès de tout féminiser dans mes spectacles ou dans mes livres pour montrer, déjà élargir des horizons de création parce que c'est belle et que c'est intéressante. Vivement le retour quand même des hôpitaux psychiatriques. Hein. Et des camps de travail, pour qu'ils servent à quelque chose. Et des violences conjugales. Oui, comme le rouquin qui chez Mélenchon qui avait tabassé sa femme. Ce à quoi, je ne sais plus comment s'appelle ce comique de droite, là, son nom échappe tout de suite, il avait dit « On a le droit de taper sa femme, bon, quand on est de droite, mais pas quand on est de gauche. » Bah, le public de la France insoumise, ce sont quand même souvent des mauvais-mettants. Bah, c'est ça ne pose pas de problème. C'est des gens qui ont quand même une certaine expérience dans ce sport. Finalement, il est respecté, quoi. Le frère est respecté, le frère rouquin. Il voulait s'intégrer, en fait. Il voulait devenir français. Bon, bah écoutez, vous savez que moi, dès que je peux parler un petit peu des juifs... Dès que je peux parler un petit peu des juifs, bon bah j'y vais, on va parler un petit peu des juifs. C'est ton péché mignon, c'est pas le chocolat, c'est ça? C'est pas un péché de parler des juifs, ça, enfin, non, pas du tout. On va parler un petit peu du festival de Cannes. Alors Cannes, pas comme Dominique Strauss-Kahn, même si des fois, par rapport aux projections qu'on doit subir, c'est vrai que la différence est difficile à voir, avec un film qui s'appelle L'Enlèvement, un film italien, qui met en scène, donc pour le coup... une histoire vraie qui a un peu été brodée pour les besoins du cinéma. Quel est le pitch, en fait, de cette attaque directe contre l'Église catholique? On nous présente, finalement, un pape qui aurait kidnappé un enfant juif, comme ça, parce que peut-être qu'il s'y s'embêtait le matin. Tiens, Bernard, qu'est-ce qu'on fait là, ce matin? On va kidnapper un juif. Excellente idée, faisons ça. Donc c'est un peu le pitch qu'il essaie de nous présenter. Pour bien sûr le forcer à devenir chrétien, le forcer à se baptiser, et puis montrer que finalement tous les prêtres et surtout le pape sont vraiment les derniers des brigands et que l'Église catholique en général ça ne vaut rien. Voilà, c'était un peu le pitch. Bon, si vous essayez de faire un film similaire pour vous attaquer par exemple à la synagogue, bon. Il y en a qui ont essayé, hein, vous connaissez, Dieudonné, mais ça n'aura pas le même retentissement. Voilà. Vous n'aurez peut-être pas les subventions. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, le premier point de la polémique sur la passion du Christ, c'est l'antisémitisme. Donc, et même avant sa sortie aux USA, le film a été mis en cause par la LICRA locale, l'Anti-Defamation League du rabbin Foxman. Et le producteur de Miramax, Harvey Weinstein, a appelé ses associés français, TFM, pour leur demander de ne pas distribuer le film dans notre pays. Alors qu'en fait, l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant juif en question, il avait reçu un baptême, d'accord ? Pas de la part d'un prêtre, de la part de la bonne. La question était donc dans une famille juive, et puis donc il était en danger de mort, et la bonne qui était effrayée à l'idée de voir cet enfant mourir et de ne pas avoir accédé au paradis, lui a fait un baptême, on va dire, d'urgence, ce qui d'ailleurs, je le précise tout de suite, est la bonne chose à faire, parce qu'il n'y a pas besoin, en cas d'urgence, il n'y a pas besoin d'un prêtre pour effectuer le baptême. Tout le monde peut le faire, même un hindou, un athée, du moment qu'il respecte bien la formule et le geste à faire, qui sont assez simples d'ailleurs, peut effectuer un baptême parfaitement valide. Rapidement maintenant, le ministre ordinaire du baptême, c'est le prêtre ordinaire, ou le diacre qui est délégué par le prêtre. Le diacre étant un serviteur, il ne peut baptiser que si le prêtre le lui demande, expressément. Et puis, le baptême est tellement nécessaire au salut, je vous renvoie à la nécessité du baptême, de moyens et de préceptes, que dans sa bonté, Dieu a permis que tout homme, je n'ai même pas dit tout chrétien, tout homme puisse baptiser validement. Tout homme peut baptiser validement. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien. Il faut et il suffit, comme on dit en mathématiques, d'avoir l'intention de faire ce que veut l'Église. Même si on ne sait pas ce que c'est. Même si on n'a pas la foi. Souvent, on nous pose la question de baptême un petit peu farfelu ou même scandaleux, où le prêtre, on se demandait s'il croyait à ceci, s'il croyait à cela. Alors, est-ce qu'il faut refaire le baptême ? C'est scandaleux qu'un prêtre n'ait pas la foi, c'est scandaleux qu'un prêtre nie le péché originel pendant l'acte du baptême, mais de soi, pourvu qu'il fasse ce que lui demande l'Église, c'est-à-dire de prendre de l'eau et de la verser sur la tête de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il fait bien ce que veut l'Église, là. Et saint Thomas, là-dessus, est totalement externiste. Et heureusement que saint Thomas est totalement externiste et toute la théologie chrétienne avec lui. Parce que sinon, il faudrait sans arrêt se demander ce qu'il y a dans la tête des ministres. Un ministre, on lui demande de faire ceci. Il le fait, c'est bon. L'enfant, finalement, n'est pas mort, a survécu. L'affaire s'est su. Du coup, bah, l'enfant juif, en fait, on s'est rendu compte qu'il était chrétien. Par rapport aux règles de l'époque, on est quand même au milieu du 19e siècle. Je vous laisse imaginer quand même l'ambiance quand même, qui règne dans cette Europe chrétienne, d'accord ? On décidait d'élever l'enfant bah, comme un chrétien, finalement, comme ce qu'il était devenu. Alors, eux, ils présentent ça comme un kidnapping. Alors, il n'y a pas de pape qui est venu, qui a enfoncé la porte comme le SWAT et qui a kidnappé un enfant. C'est pas passé comme ça. Donc, l'enfant a été confié à des dominicains, je crois, et il avait l'autorisation de revoir sa famille assez souvent en joue. Et ce que, bien sûr, la famille juive a oublié de préciser, la famille juive en question était déchirée, a crié au scandale, vous rendez compte, on nous prend notre enfant alors qu'en fait, il n'était pas pris. Ils avaient le droit de le visiter. Ils voulaient en fait tout faire pour que le gamin ne soit pas éduqué comme un chrétien. Il y a des gens qui ont décidé de faire un film là-dessus. Je vous ai fait le pitch, on va dire, en accéléré, d'accord ? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Mais je pense que je vais d'abord laisser la parole à mes camarades qui ont peut-être des éléments à rajouter. Bah, t'as bien détaillé pour qu'on puisse rebondir dessus. Oui, en fait... vu la susceptibilité de ce petit peuple, n'est-ce pas, rien à foutre, donc rien à cirer de l'historicité. On invente un délire idéologique pour faire passer les autres pour des méchants, et puis c'est un peu un bis repetita. On avait cité Hervé Ryssen là, précédemment, bah, on pourrait le réinvoquer, si j'ose dire, comme il avait fait des petits documentaires et même un ouvrage sur... Hollywood, Jollywood, ce qui se passe dans les films, ce qu'on essaie de faire passer comme idée, et à chaque fois systématiquement l'Église se fait salir. Et l'Église qui donc, selon les Juifs, un coup ils vont faire pousser un peu l'œcuménisme, donc ils vont faire genre ils sont gentils, et puis dans le dos ensuite ils vont nous dire qu'on est très méchants et antisémites par essence, un petit peu comme la conversion ou fausse conversion de Gad Elmaleh, où vous aviez des réactions juives très très virulentes en disant il rejoint la religion qui nous a le plus persécuté dans l'histoire, etc. Donc on est vraiment pris bien en tête. Là où il y a peut-être un peu de vrai sur l'Église, bah, c'est qu'il y a un certain anti-judaïsme qui est plus théologique que racial, pour le coup. Il y a un respect de l'Ancien Testament, contrairement à eux, qui ont ni respect ni révérence totale vis-à-vis du Nouveau Testament, mais qui a été surmonté. Donc on les accuse quand même de pas, comme Bergoglio, de ne pas avoir évolué. Voilà. Et je vous recommande un petit peu, chez Léon Pensin, là, quand vous avez le judaïsme et le Vatican dans cet ouvrage, vous voyez des auteurs juifs comme Joshua Jehuda ou Jules Isaac, par exemple, donc, qui avaient bien poussé à Vatican II, ça donnait des documents comme Nostra Aetate avec l'aval de certains évêques ou qui sont devenus pseudo-évêques à voir. Et voilà, en fait, d'un côté, voilà, ils rapprochent avec des associations œcuméniques, et de l'autre, en fait, ils nous détestent allègrement. Eux, ils restent véritablement ce qu'ils sont, et ils refusent pour eux tout type d'œcuménisme, voire de cosmopolitisme, puisque quand on leur donne un État-nation qui s'appelle Israël, voilà, c'est Bernard-Henri Lévy, il fait du Émile Zola à Paris, mais quand il est à Jérusalem, il fait du Maurice Barrès. Il est fils de parents célèbres, chasseur de nazis, traîne une réputation de playboy, et travaille habituellement comme avocat. Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. Donc là, tu prends un tank, tu roules sur la gueule des Arabes, c'est très bien, c'est kasher, c'est halal, c'est tout ce que tu veux. Mais par contre, en France, il ne faut même pas prononcer un petit propos à la Jean-Marie Le Pen, même pas un acte, même pas un coup de tank ou que sais-je, juste un petit propos. Ça y est, super racisme, gros méchant, il aurait déporté tout le monde. Voilà, c'est la double facette des Juifs qui... font que tous les gens deviennent progressistes et délirants et dégénérés, tout en eux, en même temps, eux faisant la promotion d'une pensée traditionnelle, traditionaliste. Là, en soi, on se ressemble, si j'ose dire. Mais voilà, eux, ils proposent le contraire pour les autres. Tout est bon dans le cochon et tout est bon dans le goy. On peut tout lui faire avaler, tout faire pour le salir à fond, même les faux-semblants. Je me permets de continuer. En fait, si on regarde qui est ce Marco Bellocchio, on est dans les années 60. Monsieur fait partie d'un militant d'extrême-gauche, passé par l'Union des communistes et maoïstes. Voilà, ça veut tout dire. Marco Bellocchio, c'est le réalisateur, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le réalisateur. Il a passé sa vie, j'ai vu plusieurs films dans lesquels il tapait sur l'Église. Voilà, il a passé son temps à faire ça, à dénoncer, comme font les communistes actuellement, donc d'habitude, rien de nouveau. Sauf que ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que donc apparemment c'est tiré d'une histoire vraie. Le petit juif en question était né d'une famille juive. Les parents avaient embauché une nounou, une nourrice. Ce qui d'ailleurs était interdit. Hein. Normalement, les juifs ne devaient employer que des juifs. Et oui, on ne pouvait pas employer des chrétiens, justement pour éviter ce genre de problème. Voilà. Genre de problème. Donc, le problème, c'est que le petit s'est retrouvé très malade, la nourrice a eu très peur pour son âme, et oui, par acte d'amour, parce que les catholiques, on est plein d'amour et on veut sauver l'âme, ce qui est quand même une très belle chose quand même. Je lui ai donné le sacrement du baptême. Et ce qui s'est passé, ça s'est su. Une fois qu'il était en bonne santé, ça s'est su, et effectivement, ils ont décidé de l'élever en tant que catholique. Et cet enfant a eu une meilleure vie, puisqu'il a quand même fini en étant prêtre, il a fini sa vie probablement au ciel, en tout cas on lui souhaite. De son plein gré, je suis obligé de le préciser, c'est une évidence. C'est ce qu'il voulait. Hein. Mais c'est encore toujours une même chose pour systématiquement et en permanence tordre la réalité, cracher sur les catholiques, quoi, disons qu'on kidnappe les gens parce qu'on est des monstres, alors qu'en fait c'est quand même grâce à la religion catholique, grâce aux moines irlandais, grâce à l'énorme travail de réévangélisation que nous avons le monde moderne. Hein. Personnellement, ça commence sérieusement à me fatiguer, ces mensonges de ces gens qui ne passent leur vie qu'à nous pondre des théories fumeuses qui massacrent au passage des millions de personnes, hein, le communisme, le maoïsme, c'est magnifique, hein, les résultats sont probants. Quant à nous, catholiques, on sauve des vies, on sauve des âmes, on met de l'ordre, on construit. Donc c'est fatigant, on voit très bien qui est ce personnage. Donc, je sais même pas finalement qui c'est qui va encore au cinéma. Personnellement, je n'y vais plus. Je n'y vais plus parce que y a rien à voir en fait au cinéma en général. Sauf petite exception, mais oui, c'est vrai que c'est très sale. J'ai même eu un collègue sur Netflix, il m'a dit, écoute, j'ai vu un truc dingue. Ils ont réussi à mettre dans The Punisher, vous savez le Punisher de Marvel, se battait contre une mafia chrétienne. J'ai fait, non, mais c'est magnifique. Mais il n'y a pas de mafia juive, non, il n'y a pas de mafia musulmane, il n'y a pas de cartel, non. Non, c'est une mafia chrétienne. J'ai fait, c'est quand même vachement dingue, quoi. Oui, ce sont partout, souvent C'est des tarés. C'est n'importe quoi. C'est des chrétiens qui négocient des diamants aux Pays-Bas, c'est bien connu. Bien sûr, oui, on en connaît certains, hein, Assemblée nationale. Oui, mais il y aura l'homme, MDR. Non, parce que les gens, c'est vrai que peut-être les gens de l'ignorent, en tout cas Meir Habib, qui est député français, des Français de l'étranger, alors je crois qu'il a plusieurs pays, il y en a surtout un qui est important dans son cœur, c'est Israël, parce que le reste, bon, ça n'intéresse pas. Il faut savoir que Meir Habib, donc député, hein, d'accord, député, donc très bien payé, il n'y a pas de souci. Ah, le gars, il est député, moi je croyais qu'il était producteur d'huile d'olive, alors je savais pas, tu me l'apprends. Un consommateur, en tout cas, hein, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Il est aussi diamantaire, voilà, il est aussi diamantaire, et puis il avait des gardes du corps, pour je ne sais plus quelle histoire, il avait des gardes du corps avec lui, qui en fait ont été transformés un peu en convoyeurs de fonds. Ils servaient des gardes du corps. Ah non, c'était des policiers, c'était des gendarmes qui ont refusé, c'était des gendarmes. Qui a refusé d'être convoyeur de fonds. C'était carrément avec nos impôts. Le mec, il peut se permettre de payer des gens pour faire ça, je pense qu'à un moment des diamants, je pense qu'il a largement le compte bancaire est assez rempli pour se permettre de payer son propre garde rapproché. Non, c'était des gendarmes. Et les mecs ont dit non, on n'est pas convoyeurs. Tu faisais bien, sinon, Longinus, oui, de rappeler qu'en quelque sorte, sans Moyen-Âge, pas de période moderne, puisque en fait, c'est le monde chrétien qui a accouché progressivement, petit à petit, du monde moderne. Maintenant, on dit que voilà, les valeurs chrétiennes sont devenues folles, et elles ne sont plus chrétiennes, d'ailleurs, par là même. Et c'est un poncif aussi qui a été beaucoup créé à la Renaissance, avant la Révolution, où voilà, le Moyen-Âge, c'est ceux qui refusent d'évoluer, enfin... Les évêques, l'Église refusent de trop bouger, alors que... Mais en fait, voilà, quand on voit dans saint Thomas d'Aquin, il y avait déjà un humanisme pré-Renaissance, voire un début de Renaissance avec lui, voilà, le Moyen-Âge, la période médiévale, c'est quand même l'essor des universités. Donc voilà, tout s'est fait progressivement, même si ça s'accélère de plus en plus en termes de progrès techniques. Mais encore une fois, quand on fait du progrès technique, c'est pas forcément des progrès moraux et sociaux. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas forcément interconnecté complètement. Vaudrait le coup d'en parler dans une prochaine émission, mais de rappeler quand même qu'effectivement, ce sont une poignée de moines irlandais qui, venus après la chute de l'Empire romain, ont sauvé la Gaule romane, une très grande partie en général de l'Europe, jusqu'à la Pologne, et qui ont fait ce travail de réévangélisation, de redonner l'agriculture, la religion, qui ont consacré effectivement des prêtres, etc., et que c'est grâce à eux qu'on a le monde moderne, c'est grâce à leur sacrifice, des gens qui n'avaient rien, par la foi, ont donné tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils pouvaient. Et c'est grâce à eux qu'on doit obtenir ça. Et avoir ce genre de montagne de fumier, parce que pour moi, excusez-moi du langage, mais ce genre de choses, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est une insulte basée sur des mensonges, parce que ces gens-là, en fait, essaient de juger l'histoire, alors que normalement, tout historien sait qu'on ne peut pas juger le passé avec les principes du présent. Ça n'a rien à voir, l'époque n'est pas la même, le comportement n'est pas la même, tous les codes sociaux, etc., tout est complètement différent. Et d'ailleurs, 20 ans plus tard, les gens vont regarder avec leurs yeux modernes toute ta période et ils vont t'insulter de dégénérer et de dinosaures aussi à ton tour quand tu penses comme ça. Oui, c'est ça. Tout ça pour dire que c'est encore un film très surprenant, très original, voilà, donc un film qui tape sur l'Église, etc. Moi, en vérité, la seule question que je me pose, c'est... est-ce que la famille du petit juif baptisé, du coup, il lui faisait un prix d'amis quand il lui offrait le gîte et le couvert, ou comment ça se passe? Excellente question. Il faudrait voir si c'est présent dans la bande-annonce. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, quoi, tout de suite. Non, mais ce qu'en plus, ce qui sera pas présent dans le film, que je ne verrai pas, hein, je n'ai pas envie de m'imposer ça, c'est que lorsque le gamin qui fonçait vers l'adolescence devait terminer son éducation, pas à l'autre bout du monde, hein, dans la même ville, hein, on est d'accord. Parce qu'ils nous parlent de kidnapping, machin, ils en font tout un... Voilà. Le pape avait trouvé un compromis intéressant, c'est que la majorité à l'époque était à 17 ans, donc il avait dit, bon, on continue la demi-pension. Alors, kidnapping, on parle de demi-pension, d'accord. Donc le gamin continue à faire son éducation chrétienne, parce que moi, en tant que pape, c'est ce qu'il disait, j'ai une responsabilité de l'éduquer chrétiennement, de donner les bons principes. Et après, bon, c'est lui qui fait ses choix, mais au moins jusqu'à sa majorité. Il fait la demi-pension avec... l'éducation chrétienne, et à côté, il peut aller trouver sa famille quand il veut, c'est pas un kidnapping. Et après ses 17 ans, voilà, je me décharge de la responsabilité, et s'il veut retourner chez sa famille à plein temps, il sera complètement libre. Les parents refusaient. Donc les parents, en fait, ils ont refusé, ils ont fait appel déjà à l'époque à la mafia juive pour dire à quel point, finalement, tout ça a été odieux, ils ont fait des pressions, et ils ont refusé, en fait, de récupérer leur enfant sous ces conditions très favorables. En gros, ils ont préféré le judaïsme. Ils ne voulaient surtout pas que l'enfant devienne chrétien. Ils ont préféré le judaïsme à leur enfant. C'est ça, en fait, finalement, le point de rupture, quoi. C'était pas que l'enfant, il soit 3 heures ou 4 heures par jour sur un banc, sur le banc d'une école, à écouter des prêtres, d'accord, et s'éloigner des parents. C'était qu'au final, il ne se conforte pas au judaïsme et qu'il adopte le christianisme au final. C'était ça qui révoltait les parents, quoi. Donc voilà, ils ont abandonné leur enfant au final parce que le judaïsme primait. Voilà, c'est ça la vérité. Je pense que je peux regarder le film en long, en large, en travers. À mon avis, ça sera pas dedans. Ah non, mais c'est sûr. Ces genres de films-là sont juste faits pour casser du sucre sur l'eau de l'église et continuer à mettre des coups de pied et tout en occultant la vérité finalement des choses. Hein. Faut savoir que pour nos auditeurs, que ce sont les juifs convertis au catholicisme qui ont fait le plus de mal aux juifs. On va parler par exemple du temps de Saint-Louis, lorsque un converti au catholicisme a dénoncé Ebal Talmud et l'usure, au passage, que les juifs étaient aussi... il y avait une enquête pour usure. Résultat des courses après quelques mois effectivement de délibération, parce que Saint-Louis était très juste, il a dit « Ok, d'accord, bien, on va prendre les prêtres, les évêques, on va discuter, on va regarder le contenu du Talmud, on va faire un petit procès. » Résultat des courses, il a éjecté tous les juifs de France. Et pourtant, Saint-Louis était quelqu'un d'extrêmement juste. J'ai fini le livre sur sa vie, et honnêtement, et ça nous manquerait d'avoir des gens comme ça, hein, d'avoir des rois comme lui. Hein. Mais systématiquement, ces gens-là se mettent hors part, et peu importe ce qu'on peut leur apporter comme chose, c'est ou le judaïsme, ou rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à rejeter leurs propres enfants. Et les gens qui se convertissent, généralement, ont tendance à être extrêmement... Enfin, de dénoncer leurs actes à l'Église. Tellement ils trouvent ça eux-mêmes odieux, ce que font les Juifs. C'est pour dire... Je crois que Torquemada était juif au départ, non ? Un juif converti, non ? Oui, exact, ouais. Ouais, j'ai bien aimé la deuxième partie de sa vie, c'était intéressant. C'est rock'n'roll, bien que cette musique n'existait pas, n'est-ce pas ? Exactement. Oui, après, petite Talmud pour les nuls, je recommanderais en lecture à nos auditeurs un petit article. Hein. C'est de l'humour juif, mais attention, l'humour juif, c'est pas de l'humour, c'est ils disent ce qu'ils pensent textuellement. Ah bah c'est très curieux, c'est... Ma foi, sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors, bon. Et qu'est-ce donc ? Ah, ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse. Vous avez le texte de Laurent Sagalovitch dans le texte Goy expliqué au Goïm. Le Goy expliqué au Goïm. Juste tapez ça sur Google, vous allez tomber sur, je crois, svet.fr. Et vous allez voir, il y a tout qui est présent, tout ce qu'il faut pour bien salir indirectement ou directement le christianisme, toute l'imagerie qui peut être attachée autour, le baptême, le péténisme, l'église, machin, le collaborationniste, il y a tout qui y passe. Et en même temps, il fait l'éloge de son nombril racial. Enfin, c'est vraiment du judaïsme total, quoi. Quand vous lisez ça, c'est pas de l'humour juif, c'est pas de l'humour, en tout cas, c'est du judaïsme total. Et moi, j'ai le droit, Rex, de faire des petits sketchs comme ça sur des rabbins et de dire tout le mal que je pense du Talmud. C'est autorisé ou non ? Bah, dans la France de Saint-Louis qu'a décrit Longinus. Maintenant, je crois que tu es du mauvais côté du manche. Bientôt, mon cher, bientôt. T'inquiète pas, bientôt on pourra. On pousse en ce sens. Sinon, ce film, pour être sérieux, pour une fois, j'arrête les boutades. Ça me fait aussi penser à autre chose. En fait, l'Apocalypse nous enseigne, donc la Bible, etc., que les Juifs se convertiront avant la fin des temps, en fait. Enfin, à la fin des temps, ils vont se convertir. Et je pense que ça fait partie des plus grandes craintes des Juifs, c'est que les Juifs fuient le judaïsme pour le catholicisme. Donc, en fait, ce film, c'est aussi en mode « Regardez, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. » Et du coup, le film est aussi adressé aux Juifs, en fait. C'est surtout « Ne faites pas ça ». Quand ça arrive, ben, en fait, c'est quand le pape il kidnappe un enfant, etc., qu'il est conditionné, que tout est dogmatisé, que c'est un endoctrinement, etc. Mais de vous-même, ne faites surtout pas ça. Et là, on en revient un petit peu au sujet qu'on a déjà traité avec Gad Elmaleh et tout le bordel. En fait, c'est la communauté organisée, sûre d'elle-même et dominatrice, devient complètement hystérique quand on touche à ces sujets, quoi. C'est très juste, oui, je voulais revenir là-dessus, effectivement, quand Gad Elmaleh avait fait toute sa propagande là, par rapport à son film, à toute sa publicité, effectivement, il y a plein de rabbins qui étaient sortis, et j'avais bien aimé la sortie de l'abbé Rioux qui disait « Gad, qu'est-ce que c'est un juif ?» Un juif, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir et qui empêche les autres de dormir. C'était très intéressant et c'était exactement ça. Ils sont obligés. Ça a l'air d'être tellement bien le judaïsme qu'apparemment tout le monde attend le moment pour se barrer, mais ils ont juste peur en fait de réaction de leur famille, de leurs parents, etc. Un peu comme en fait pas mal de musulmans aimeraient bien se barrer de l'islam, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont peur d'être flingués par les autres. C'est magnifique. Hein. J'avais vu un film comme ça quand j'étais pré-ado. qui s'appelait Danny Balin. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y avait Ryan Gosling qui jouait dedans. Et j'avais rien compris au film. Enfin, j'ai rien compris. Je trouvais que c'était vide de sens comme morale. C'est l'histoire d'un juif, en fait, qui du coup est devenu antisémite. Et même skinhead, néo-nazi, etc. Et puis à la fin, il voulait être violent et puis poser des bombes. Et j'attendais jusqu'au bout du film. Bon, ils vont donner une explication un peu plus péchue que ce qu'ils ont donné dans le film. Et puis rien, quoi. Ça s'est fini un peu comme ça, je trouve très bizarre. Et du coup, bah, Hervé Ressel, qu'on a déjà cité plusieurs fois, avait donné l'explication, j'étais encore un peu trop jeune pour comprendre, c'est que, en fait, le film n'était pas adressé à des gens comme moi, c'était adressé aux Juifs. Et quand on comprend ça, en fait, on a tout compris. C'était pour leur dire, bah, écoutez, si vous commencez, chers Juifs, à vouloir vous émanciper du Talmud, à la fin, vous allez finir que, finalement comme des terroristes néo-nazis et vous aurez des problèmes d'identité, quoi. C'était un avertissement, finalement. Et quand on comprend ça, finalement, on comprend le film. Israël est un état religieux. Leur vie est basée sur une tradition séculaire. Ils n'ont plus besoin du judaïsme parce qu'ils ont leur terre, alors que le véritable juif est un vagabond. C'est un nomade. Il n'a ni attache, ni racine. C'est pour cette raison que l'universalité est son credo. Il ne sait ni tenir un marteau, ni labourer un champ. Tout ce qu'il sait faire, c'est vendre, acheter, investir des capitaux, manipuler les marchés. Son domaine, c'est l'abstraction. Il s'empare de la vie des gens, qui est enracinée dans la terre et la dénature en une vague culture cosmopolite, basée sur les livres, sur les nombres et sur les idées. Enfin, tu vois, c'est ça, sa force. Prends les grands penseurs juifs contemporains. Marx, Freud, Einstein, qu'est-ce qu'ils ont légué? Le communisme, la sexualité infantile et la bombe atomique. Trois petits siècles de rien du tout ont suffi à ce peuple pour se propager depuis leur ghetto en Europe et nous déposséder d'un monde d'ordre et de raison. Tout ça pour nous projeter au sein du chaos de la guerre des classes, des pulsions irrationnelles et de la relativité. Au sein d'un univers où les concepts mêmes de matière et de réalité sont remis en cause. Pourquoi ? Parce que c'est la prédisposition primordiale de l'âme juive de démêler les chevaux même de la vie afin qu'il n'en subsiste qu'un fil. Leur finalité en ce monde, c'est le néant. Ils tendent vers un néant sans fin. Mais c'est pour ça qu'il faut plus vraiment regarder. Il n'y a plus rien à regarder de toute façon. À la télé, cinéma, peut-être les anciens films, et c'est tout. De nouveau, actuellement, il n'y a plus rien. Et il vaut mieux même éviter de donner notre argent là-dedans. Il nous ponctionne déjà assez d'argent par rapport avec les taxes pour financer ce genre de déchets. Il ne faut surtout pas aller voir ce genre de truc. Absolument pas. Il n'y a plus rien à voir. Mieux vaut se détacher de tout ça. Voilà, donc on vient de faire la petite revue d'actualité, bah, comme à notre habitude. Je propose de faire une petite pause musicale avec une musique... on va dire contemporaine, qui soit un peu apaisée. Alors, je dis ça, en fait, je suis en train de regarder, mais pas du tout. C'est pas grave. J'espère que Rex va pas faire une syncope. Et on se retrouve pour parler de la deuxième partie de l'émission spéciale, on va dire, doctrine. Les rapports entre l'Église catholique et la doctrine fasciste. À tout de suite.